Si je serais pas intelligent, je ferais pas des débats, hein, Brouty. Eh voilà, bonsoir à tous. Bah attends, vas-y, c'est bon maintenant. Mais tu es con. Eh, Fildar, tu es aussi con qu'avant, ça changera pas. Donc bonsoir à tous, bienvenue pour la dernière émission de l'année 99. J'espère que vous avez écouté du début. Donc j'étais là, j'ai pas beaucoup parlé, je le sais. Mais bon, fallait laisser la place au chef. Je salue Rigaud, bonsoir à toi Rigaud. Bonsoir Gérard, bonsoir à tous. Salut. Bonsoir, gros plouc mal rasé là-bas au standard. Bonsoir connard, ça va bien? Et bonsoir, petite pute qui vient de retourner de vacances pour me faire chier pour le débat. Bonsoir Gérard, t'as passé de bonnes vacances? Qu'est-ce que ça peut te foutre à toi, espèce de connard? Et donc, pour ça, on va accueillir gros putois. Bah tiens, 25 ans de Lille, bonsoir à toi. Bonsoir Gégé. C'est possible, quand vous me donnez les noms avec les villes, d'avoir les fréquences. Merci au standard. Mais maintenant, il n'y a plus qu'une seule fréquence partout. Ah bon, d'accord. Ouais. Pudebec, 23 ans de Marseille. Attends déjà, toi, pour commencer, celui qui a des radios et qui a du monde derrière, c'est simple. C'est pas moi. Le premier qui a des radios. Bon, comment tu vas sinon, mon petit GG, ça va? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Le fait de te parler, ça me fait plaisir. Bon, pour l'instant, moi je dis que ceux qui ont du monde derrière et qui ont des radios sont priés d'éteindre et qui disent à leurs copains de fermer ou à leurs copines de fermer leur gueule. T'inquiète, tu doutes, il n'y a pas de problème. D'accord, donc s'il y a du monde et que j'entends quelqu'un qui dit je connais ceci, cela, je vire. D'accord, vous savez comment que je fais les débats? Ouais. Bon. Ouais, carrément, t'inquiète pas, on connaît. Petite bouse. Pour moi, la fréquence était 109.8. Non, mais je m'en fous. Ok. Petite bouse. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Celui qui s'amuse à faire ça, arrête. Bon, Gérard, vas-y. Franchement, arrête de l'embêter. Et la dernière, la salope, 20 ans de Paris pour finir. Salut Gérard, salut l'équipe, salut à tous. Salut. Bon. Alors, ça y est, on attaque. Alors, on attaque, vas-y. Oh, si vous n'êtes pas content, vous. Qui c'est qui n'est pas contente, là, déjà, pour commencer? Vous n'avez pas commencé. Alors, pensez-vous que le millénium va-t-il changer le monde? On m'a demandé à la salope. Oui, Gérard, mais tu pourrais commencer calmement. Oui, je pense que ça va changer le monde. Déjà, sur ton carnet de fac, il y aura plus écrit 1999, il y aura écrit 2000, et ça va être une grande avancée vers le pas vers l'homme. Non, mais déjà, pour commencer, c'est pas la question, c'est pensez-vous que le millénium va-t-il changer le monde? On parle pas des carnets de chèques, parce que moi, si vous voulez qu'on parle de ça, dans ces cas-là, je peux vous dire que le 1er janvier 2000, c'est-à-dire samedi ou voire lundi, normalement, on va passer avec l'euro. D'accord? Samedi ou c'est lundi, le 1er janvier? Le 1er, c'est samedi, alors arrête de te foutre de ma gueule. Non, mais elle a raison, Gérard, c'est toi, tu es en train de te tromper, je te signale que c'est lundi. Le millénium c'est lundi. C'est qui vient de dire ça? Tu vas être à la bourre, hein. Tu rigoles ou quoi? C'est lundi à minuit, Gérard. Oui, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule. Plus du bec. Pour l'instant, tu la fermes. Je t'ai pas appelé pot de chambre. Okay, d'accord. Okay. En de bon entendeur, salut. C'est la première et dernière avertissement que je te donne pour ce soir, parce qu'il y a pas mal de monde qui appelle au standard. D'accord. Ouais. Ok. Moi, j'étais un peu trop excité, plus du bec. Hein. Bon, alors la salope pour toi. Allô, allô. Oui, bonjour. C'est Bill. Bill, extraterrestre de Bill. Bonjour Gérard. Alors, ce débat est très intéressant, mais je crois qu'il faudrait quand même que je vous pose une question qui, je crois, va calmer tout le monde. Qu'est-ce que vous pensez des terriennes? Fildar, si tu reviens de vacances pour me faire chier, tu dégages. D'accord, en de bon entendeur, salut Fildar, un avertissement aussi. Plus du bec, au revoir. Allez, terminé. La salope. Vas-y, réponds à la question, la salope. Terminé pour celui-là. Je crois que j'avais répondu, mais il n'était pas d'accord avec moi sur les carnets de chèques. Alors bon, moi, je sais pas, en fait. Parle des cartes bleues. Oui, les cartes bleues, mais il n'en a pas non plus. Hein. Non, mais même, de toute manière, faut bien se dire une chose que... T'as la histoire, Gérard. Avec ces histoires-là. Restons. Avec ces histoires-là, comme l'année va changer, donc on va passer en euro. Donc l'euro est prévu normalement pour le début de l'année. Ah bon, mais là, j'en ai pas entendu parler, moi. Ah, moi non plus. Hein. Non, je pense. Non, mais vous savez pas, ben, faudra peut-être vous informer. Je suis pas occupé à préparer la réunion, c'est ce que non, c'est. Non, mais de toute manière, c'est pas le thème du débat, donc. Moi, je dépense mes francs tant que ça existe encore. Hein, bon, ben, petite bouse. Oui. Donc, pensez-vous que le millénium va-t-il changer de vie? Attends, 5 minutes. Changer le monde, pardon, oui. Oui, je voulais juste accueillir Al Bundy, 26 ans de Nîmes, à la place de Puy-du-Bec. Comment qu'il s'appelle? Al Bundy. Salut Al. Bonsoir. Peggy, ça va? Ça va bien. Bonsoir. Je vais répondre à la question. Vas-y. Ouais, ben, réponds. D'abord, je voulais te dire que le millénium, il commence que l'année prochaine. Non, il commence demain soir. Non, l'année prochaine. Oh, mais arrêtez de me prendre pour des cons, d'accord? Ouais, alors, brouillez pas, c'est trop compliqué déjà. Ça commence le 31 décembre, ok? D'accord. Hey, Manu! Oui, Manu! C'est qui ces câbles là, que tu me prends là? Ouais. C'est ceux qui veulent te parler, hein. Gérard. Non, mais en fait, ils ont raison, c'est que, tu vois, l'année, elle commence pas à zéro, elle commence à 1. Ouais. Non! Donc en l'année. Le nouveau millénium commence le 31 à minuit, d'accord? Alors, Puldar, tu fermes ta gueule. D'accord, clair, net, précis. D'accord. On peut pas comprendre. Gérard, sur IRC, il y a énormément de monde qui me signale que le 31 à minuit, c'était il y a 3 minutes. Non, mais le 31 décembre. Pour l'instant, on est le 30. Ouais. On est le 31. Janvier, on est 31 décembre. Janvier. On est le 30 aujourd'hui. Non, on est le 31. On est le combien? On est le 31 depuis 4 minutes. C'est voilà. Ouais. On est le 31 et le 31. C'est maintenant qu'on souhaite la bonne année. Non. Bonne année. Ça va, du bien. C'est bon ça, alors on est en 2000 là, c'est ouais, apparemment. C'est cool, non, pour l'instant vous êtes en 99. Non, on est là. T'as 3 euros pour un café ou pas? Non. C'est la Saint-Sylvestre. Toi ta gueule. Bonne fête à Sylvestre alors. Gros putois. Bah écoute, ça va changer la date déjà. Ça va changer donc les calendriers forcément. Va falloir renouveler les éphémérides aussi. N'importe quoi. Donc, monsieur, t'es pas d'accord avec moi? Non, mais vas-y. Ah, tu vois, ça va changer toutes les dates. C'est tout, point barre. J'ai l'offense d'Ave. Mais Gérard, c'est vrai, il y aura plus de boulot parce que tu vois, les calendriers, tous les ans, ils avaient qu'à rajouter un chiffre. Mais là, il faut qu'ils en rajoutent 4. Pour l'instant, c'est pas à toi que je m'adresse, celui-là. Je te pose une question, les auditeurs. Moi, je te dis, c'est pas à toi que je m'adresse. Ouais, mais il a raison quand même. Alors, si t'es venu pour foutre ta merde, autant que tu restes en vacances, Gérard. Pour l'instant, je m'adresse pas à toi. Donc, gros putois. Ouais, ben je te levais le problème de la date, donc des calendriers, donc voilà. Mais attends, les calendriers sont déjà prévus, t'avais qu'à en acheter, mon pote. C'est sûr. Mais comment ça se fait que les calendriers ils sont en vente avant l'an 2000? C'est pas normal, ça. Et alors, il les prend toujours. C'est encore une histoire de fric. C'est une histoire d'euros, tout ça. Non, mais de toute manière, les calendriers. Attends, tu sous-entends. Oh, ça va, oui, les éboueurs, oh, ça va. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça suffit, là, ou quoi? Il n'y a rien, il me racontait ses vacances. Non, mais si vous voulez discuter, vous sortez, d'accord? Vous faites pas le bordel tous les deux. Est-ce qu'on pourrait poser le débat, s'il vous plaît? Bon. On pourrait parler des éboueurs et des facteurs avec les non, mais pour l'instant, c'est pas la question. T'as donné donc, des GG, toi, non, t'as donné pas encore. Albadin. Non, Al Bundy. Ouais, Al Bundy, là, je sais pas quoi, là. Bah, à toi. Bah, pour moi, l'an 2000, c'est qu'une date, donc pour moi, je me pose pas trop de ce genre de questions, quoi. Toi, pour l'instant, tu t'en fous, alors? Non, je m'en fous pas. Bon, c'est qu'une date, je vais faire la fête, y'a pas de problème, je serai torché comme d'habitude, quoi. Bon, ouais, bah, de toute manière. Ouais. Voilà. Bah, moi, je peux vous dire une chose, qu'est-ce que j'en pense? C'est vrai que ça va déjà changer tout. Comme quoi? Bah, disons que, en espérant que ça sera pas comme cette année, il y aura quand même un peu plus de trucs. Ouais, tu vas te marier, c'est bien, ça fait. Non, mais ça vous regarde pas, de toute manière. Donc, il y aura un peu plus de trucs qui risquent de se prévoir, comme Jean de Nevers vous l'a dit et tout ça, donc, vous verrez par la suite, hein. J'espère qu'il y aura moins de guerre, tout ça. Non, mais ça, on n'en a rien à faire. Pour la fin, dans le monde. Une catastrophe naturelle. Non, mais. La Tchétchénie, tout ça, machin. Donc, Ouais, Manu. Ah, ouais. Non, mais Manu, c'est bon. Bon, Gérard, pour calmer le débat, l'IRC, on est déjà quand même 7022. Déjà et, ouais, déjà. Et il y a Maclotte qui voulait savoir pour le prochain millénium, est-ce que si tu refais les débats, est-ce qu'il faudra préparer d'autres tartes? Bah ça, pour l'instant, on verra ça avec Max. Pour de toute manière, cette histoire de tarte, ça m'étonnerait parce que je pense pas que ça continue comme ça. Si ça continue comme ça, de toute manière, ça va être simple, ça va être non. Donc, faudra bien se dire une chose que forcément. On verra ce que l'année 2000 me réserve. Okay. Pour l'instant, apparemment, on n'en est pas arrivé là, donc on verra bien. Donc, qu'attendez-vous du Millennium en famille ou autre? Alors, on va demander à Albanine. Non, oh, c'est Albundy. Ouais, bon. Ouais. Vas-y, Al. Alors, en fait, moi, je passerai pas le Noël, pour moi, c'est plus. Bon, si t'as du monde derrière toi, tu leur dis qu'ils se calment ou sinon tu casses. Pas du tout. J'ai pas de monde derrière moi. Non, mais tu crois que je t'ai pas reconnu, toi? Non, mais bon. Non, pas du tout. Canada. C'est la fête. Non, mais je t'ai pas reconnu. Bon, d'accord. Bon, je disais... Anthony. Non, pas du tout. Non. Je pensais que... Non, c'est pas Tony, c'est pas Goldo, c'est pas Arnett. Mais non, mais rien. Non. C'est peut-être Megan au pire, mais... Voilà. Non. Donc, mais attends, il faut voir. Manu, je te préviens, c'était bien précisé que je voulais pas les habituels, ok? Ok. Alors, on demande entendeur, salut. Okay, donc, salut, apparemment... Gérard. Apparemment, tu recommences tes conneries. Ah, c'est pas le genre de la maison. Non, c'est pas le genre, mais si, c'est le genre. C'est le genre de la maison, parce que de toute manière, j'ai très bien compris ce que vous allez me réserver. Il y a même Olivier Dapro qui est prévu dans les débats. D'accord? Puis il y a un gâteau à la fin. Ouais. Et toi, tout à l'heure, tu vas te prendre. Ouais, bah alors, Fildar, t'arrête, s'il te plaît. Parce que t'es pas venu là pour foutre ta merde. Moi, c'est tout. Donne-moi. Bon, donc on avait... c'était quoi la question? C'était quoi la question? Si t'arrêtais de foutre un peu ton bordel, toi, t'es pas venu là pour foutre ta merde. Moi, t'es venu là pour faire la réa, pas pour foutre ta merde, d'accord? On de bon entendeur, salut, c'est le deuxième avertissement, le troisième, c'est là. Deux, c'est chaud. Vas-y, toi, voilà, le troisième. Okay. Pour répondre à la question, moi je dirais que Noël, c'est plus consacré à la famille. Voilà. Non, on ne parle pas de Noël, abruti. Non, mais justement... On ne parle pas de Noël, on parle du Nouvel An. Oui, j'allais y venir. Donc, et pour le Nouvel An, c'est plus entre copains, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, tu passes Noël en famille et Nouvel An avec tes copains, espèce d'abruti. Je passerai le Nouvel An en famille. Les gens sensés font la même chose que moi. Ouais, c'est tout. Ouais, c'est comme ça, hein. Bon, alors, celui qui est pas content, c'est gros putois, au revoir. Au revoir, gros putois. Allez, hop, terminé pour lui. Voilà. Moi, je cherche pas. Et Albanine, fais gaffe parce que tu risques de faire pareil. J'ai rien dit, là, j'ai répondu à la question. Ah non, mais tu risques de faire pareil, toi, si tu continues. D'accord? Tranquille. Alors, la salope de 20 ans de Paris, à toi. Oui, et ben moi, je fais pas le premier de l'an en famille. Parce que attends, 5 minutes avant que tu me répondes. Je voulais juste accueillir Coco Prout. À la place de gros putois. Je te signale, ne t'amuse pas. Non, il était en attente. Sans gêne, non. Il était en attente, c'est pas le même, tu vois. Salut Coco Prout. Salut. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Bonne année à l'avance. Non, c'est de... C'est demain. Ouais, ben même... Il te verra pas demain. Pour toi, la salope, excuse-moi, mais vas-y. Oui, donc je te disais, je fais pas le premier de l'an en famille, parce que j'ai fait Noël en famille, et j'ai pas que ça à foutre non plus, donc premier de l'an avec des copains. D'accord. Petite bouse. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je fais Noël en famille et mon père il travaille le premier de l'an, donc je préfère la faire avec des copains, puis moi je pourrais boire et me torturer. Je parle pas des parents. Non, mais ça, de toute manière, c'est votre problème, hein, si vous voulez vous torcher la figure. Ouais, mais t'es obligé, hein, pour l'an 2000. Attends, c'est l'an 2000, hein. Faut marquer le coup, hein. Donc, c'est Coco, un peu tous les jours comme ça pour les quand même. Coco Prout. Oui. Bah alors moi en fait, je pense qu'avec les amis c'est bien mieux que le passer avec sa famille. Mais généralement c'est tout le monde, fait ça. Hein. Ouais, Noël en famille. Ouais. Non, mais je pense que faut mieux faire Noël entre potes et puis le Nouvel An. Pas les cadeaux entre potes. Hein, oui. C'est la famille qui fait les cadeaux. Non, mais attends, de toute manière, qu'est-ce que vient faire Noël en famille pour avoir les mêmes cadeaux? Tu vas avoir quoi? Tu vas avoir des CD, du pognon ou des fringues? Ça va. Bah c'est bien, c'est bien. Non, t'as déjà vu des amis qui t'offraient du pognon, des CD, des fringues, toi? Bah, à toi, moi, non, mais. Moi, cette année, j'ai rien eu, alors. Mais si, t'as eu des pompes. Des pompes. Mais alors, ça te regarde pas, toi. Gérard, sur IRC, il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi tu penses qu'il faut passer le réveillon de Noël entre potes. Bah entre potes, disons, c'est pas moi qui le pense, hein. C'est les auditeurs qu'on a et les auditrices qu'on a sur l'antenne, c'est eux qui veulent le passer entre potes. Pourquoi? Parce que ça fera un peu plus de bruit. Mais c'est sûr que Vu le bordel qu'ils annoncent pour le réveillon de l'an 2000 sur les un peu partout, à mon avis, je pense que ça va mal se terminer. Sur les champs là, ça va être la folie, hein. Ouais, mais je pense parce que ça commence déjà. Ça va se taper là. Hein. Non mais j'ai un quart d'heure pour me garer, moi. Ils sont en train de fermer toutes les rues là. Mais c'est normal, ils ferment tout. Espèce d'abruti, t'avais qu'à pas venir en voiture, t'avais qu'à venir en transport en commun. En plus, ils dressent que des roues, là. Moi, je voudrais le top spin, là, les trucs, là, les autotamponneuses, là. Ils mettent que des roues. Qu'est-ce que t'en penses? Mais ça, de manière, tu fais une chose, si t'es pas content, t'essayes de voir les représentants qui s'occupent de ça, et puis tu leur dis. Ouais, mais c'est des forains, non? Non, à mon avis, c'est pas des forains, là, parce que... Pourquoi ils mettent des roues, GG? Parce que je comprends pas, moi. Mais j'en sais rien, moi, pourquoi qu'ils mettent des roues? T'as qu'à écrire au président de la République. Non, mais moi, je paye mes impôts, si c'est pour ça. Et alors, mais tout le monde paye des impôts, espèce d'abruti, ouais, tu demandes au président de la République pourquoi qu'ils mettent des roues? Je veux dire, c'est avec l'argent de ton RMI qu'ils ont construit ces roues-là. Bon, alors toi, tu dégages, au revoir. Allez, hop, terminé. Celui-là, Manu. Au revoir, mes gars. Premier et deuxième. Première fois que... Troisième, on n'est pas au chiffre et les lettres. Non, mais moi, je vais te dire une chose. Le prochain qui s'amuse à dire des conneries comme ça, c'est pas la peine. C'est direct dehors, d'accord? C'est vrai que t'es même pour RMI. Gérard, tu fais quoi, toi, au premier de l'an? Enfin, t'es en famille? Non, au premier de l'an, je sais pas ce que je fais encore. Ah bon? Ben, faudrait peut-être t'y prendre, hein, Mascar. Si t'es pas content, c'est le même prix, toi. Ah ben, je dis ça pour toi, hein. T'as les moyens de sortir? Non. Ça sert à rien de sortir si t'as pas. Non, je suis avec Sandy, donc on fera ça. Je vous invite tous les deux. Non, on fera le réveillon avec Sandy et c'est tout. On avec fera une tout bonne les... bûche de Noël. C'est ça, t'as raison, pauvre con. Ok. Ça suffit, celui qui s'amuse à mettre des conneries derrière. Bon, Gérard, j'ai une petite suggestion de la part d'un peu tout le monde. Il se demande si tu penses qu'à partir en l'an 2000, Elisabeth Guigou sera toujours aussi bonne. Je répondrai pas à cette question. Bonne question. Non, je répondrai pas à cette question parce que ça a rien à voir. À quel niveau? Non, mais je vois pas pourquoi que les gens s'amusent à poser des questions cons comme ça. Ah. Donc celui qui a posé cette question, ben, qui se cacare ou que je pense. En espérant que pour la conclusion, j'aille pas l'autre. L'autre espèce d'emmerdeuse là, qui me dit que mon débat n'avait ni queue ni tête comme moi parce que c'est même pas la peine de me le dire, Rigo, d'accord? Ok. Donc, c'est Tchotchoprout, s'il vous plaît. Je voudrais savoir si Sandy, pour l'an 2000, a décidé de perdre 2000 kilos. Alors, Cacaprout, au revoir. Voilà. À plus. Comme ça, t'es renseigné. Mais Gérard, on a laquelle question, là? On est à la troisième. Alors, attends. Comment? Oui, attends. Juste avant, j'aimerais qu'on accueille Faucon Millenium. Bonsoir à tous. Salut Faucon. Bonsoir GG, bonne année à tous, joyeux Noël. T'as ton jingle toi, c'est dégueulasse. Bonne fête, ouais, t'as vu, hein, c'est étudié. Hein. Donc, la troisième question. Comment allez-vous fêter le nouveau millénium et pourquoi? On va demander à Faucon. Bah écoute, moi je propose le petit cocktail habituel, c'est-à-dire alcool, sexe. Peut-être un peu de drogue aussi. Et rock'n'roll. Et puis voilà, ouais, éventuellement rock'n'roll, rap pour ce rap, enfin tu vois, techno, comme tu veux quoi. Ouais. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Non mais comment tu vas le fêter toi? Avec des potes, on va faire la teuf, on va se torcher comme tout le monde. Ouais toi. Non, donc d'après ce que j'ai entendu, tu vas faire un peu de musique. Je vais en écouter. Tu vas en écouter, donc tu vas venir, je pense, sur les Champs-Élysées, tout ça, non? Non, du tout, non. Non? Non, rien à voir. Non, parce que c'était pour savoir, parce que... Non. Tu vas y aller toi Gérard, sur les Champs? Non, attends... Attends, je suis sur les Champs. Non, mais vu le monde qui va y avoir, je vais te dire une chose. Il y aura trop de mecs bourrés et tout, ça va être chiant. Ça fera une roue en plus. J'en connais tout à l'heure qui vont dégager, ça va aller vite. La salope. Poids lourd, c'est interdit. Oui, Gérard. Donc toi? Eh ben moi, j'ai décidé de commencer le millénium, comme tu dis. Le millénium, pardon. Et gangbang. Ah d'accord, carrément toi. Mais ça c'est bien. Tu vois, tu commences le gangbang, par exemple, tu pourras le faire, tu sais, à 23h59 et tu finis à minuit 2. Ouais. Comme d'habitude, mais au moins t'auras l'impression d'avoir fait ça un an, tu vois. Bon, Fildar, tes questions cons, j'en veux pas. petite bouse, pardon. Ouais, ben moi j'avais prévu de le faire avec Sodomal, mais il peut pas venir, alors... Je peux le remplacer, t'inquiète. Hein. C'est vrai? Ouais, ouais, on peut. Non, mais pour un sang peu con, ouais. Tu te tais, ouais. S'il te plaît, merci. Ok. Tu laisses répondre petite bouse. Ouais, excuse-moi. Bah alors, pour la peine, je suis méga parteuse avec des copains, si vous voulez venir, pas de problème. Tu laisses tes coordonnées hors antenne. Ouais, ben, non, hors antenne, s'il te plaît, ouais, merci. Hors antenne. Donc, comment allez-vous? Faites-le. Bah, tout le monde m'a dit. Avec des potes. Non, mais j'ai demandé pourquoi, et toi, petite bouse. Pourquoi? Ben, et pourquoi? Parce qu'elle aime la bite. Gildar, ça suffit. T'as rien d'autre à faire, la salope? Bah pareil, j'aime le cul, j'aime la bite. Oh d'accord. Il n'y a pas ça, merde, c'est le réveil. À mon avis, toi la salope, tu parles bien ton nom et petite bouse, c'est pareil. Hein. Bah c'est ouais. Pareil, hein. Bah ça, à mon avis, vous attendez que ça. Hein. Bah ouais, mais pourquoi vous parlez pas de dîner, de repas, genre des huîtres, ouais, des foie gras, du caviar, du homard. Merde, putain, des trucs. Tu fais quoi, GG, toi? Tu fais quoi avec ton faisant? Avec mon faisant, il t'emmerde, faucon, d'accord? Non, faucon, que... tu t'écrases. Tu fais pour le repas. Faucon, c'est un avertissement. Ok. Alors, qu'allez-vous faire pour le 30? Qu'allez-vous faire le 31 décembre? Alors, 60% des gens ont répondu qu'ils dormiront. Ben ça, il y en a certains, oui. Comme Fildar, je pense qu'il dormira avant. 29% des gens ont répondu qu'ils viendront me faire chier. Ben ça m'étonnerait parce qu'ils n'ont pas mon adresse. D'accord, Fildar? Oui. De toute manière, c'est des questions encore cons sur l'IRC, ça m'aura étonné. Fildar, fais gaffe parce que tout à l'heure tu as morflé. Je rigole, vas-y GG. Et 14% ont dit que oui, mais seulement si peut-être et pourquoi pas. Eh ben ça, j'en ai rien à foutre. Voilà, comme ça va plus vite. Et donc quatrième. Tu poses la question, puis on va mettre un petit disque là. Ouais. Alors, quand sera le prochain millénium dans le monde ou autre? Et on va s'écouter Emily Ennium avec Viens sur le champ. On va te faire le plein. Impeccable. Minuit, 2h. Reviens. Une chose. Ouais. Celui qui s'amuse à balancer des conneries en remix derrière, il va virer. Quel est le... vous arrêtez, s'il vous plaît. Les débats de Gérard. Et voilà, donc, à mon avis, c'était pas du tout ce qui était prévu. C'était quoi, prévu? C'est pas Emily Ennium avec « Viens ce soir sur le champ, on va te faire le plein ». Sur les champs. Ouais, sur les champs, parce que déjà, faudrait peut-être écrire un peu mieux. Donc, c'était un remix de « Sur moi ». Faites gaffe, hein. D'accord, Fildar. Oui. Alors, ça fait déjà la deuxième fois. C'est l'OPO qui... Non, mais c'est pas l'OPO, d'accord. Donc apparemment, j'ai vu un petit sondage que Max a eu par téléphone et il paraît qu'on serait déjà 11 731 000 auditeurs. Oh, ça vient de... Et sur l'internet, on aurait bien voulu savoir parce que Max il me l'a demandé. Non mais c'est pas obligé, Rigo, c'est pas chier. Non mais ça me fait plaisir. Pour l'instant, tu t'écrases, ok. T'es pas venu là pour nous faire chier, d'accord. T'es venu là pour... Par contre, quand je suis arrivé, j'ai été chier. Putain, ça m'a fait bien. Je m'en fous. Donc Rigo, combien tu m'as dit? 7000, j'ai réussi à avoir fondu. 7500. Manu, s'il te plaît, quand Rigo dit quelque chose, t'es prié de le laisser parler, merci. D'accord. Donc 7700 à peu près. Hein. Ah non, 7700, pardon. 7700, ok. Donc la question c'était, comment allez-vous faire... Non, la 4 c'était. Quand sera... Non, c'était ça. Ah bah pardon. Bah non, même pas, parce que... Ah on merde, l'a... alors. Ah si, quand sera le prochain millénium pour vous, dans le monde ou autre, on va demander à... Attends Gérard, parce qu'il y a des auditeurs qui ont changé. Donc on a toujours Faucon Millénium, on a toujours la salope, mais on va accueillir Zaza et on va accueillir Monsieur Mazur. Oui, bonjour. Ah ça y est, encore lui. Bah quoi, c'est la fête, merde. Ouais, non mais encore lui, comme c'est Cotillon, paillettes et plumes dans le cul. Ah, ça l'a tout sens. Salut, Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, Monsieur Gérard, c'est Monsieur Mazur. Quel plaisir de vous retrouver. Ouais, ben, pour l'instant, c'est moi... Joyeuse année, Monsieur Gérard. Joyeuse année. Bonne année, Monsieur Mazur. Bonne année. J'ai l'impression que ça va encore aller vite, fait, ça. Gérard. Monsieur Gérard. Gérard, pour calmer le débat avant de repartir avec les auditeurs, il y a Destroy 2000 sur l'IRC qui aimerait bien que tu répondes à la grande question. Quelle est la différence entre un millénaire et un millénium? Bonne question, Rigo. Alors, le millénium, c'est pas pareil parce qu'on change d'année. Donc, le millénaire, c'est-à-dire 1000. Mm-hmm. Et là, on passe en l'an 2000. Mm-hmm. Donc, c'est pas du tout pareil. C'est un double millénium. Voilà. Voilà. Il est content, c'est le monsieur. C'est quand même facile, merde. C'est pas cher. Pas compliqué, merde. C'était facile pourtant, hein. Voilà. C'est vrai. Bon, alors, la question, c'était quand sera le prochain millénium dans le monde ou autre? Tu peux expliquer ta question, Gérard, ouais, ou c'est trop tonneau? Quand sera le prochain millénium? Bon, c'est pas dit de la relire, c'est dit de l'expliquer. Par répéter. Bon. Alors, c'est-à-dire, quand sera... Vas-y, vas-y. C'est-à-dire, le prochain millénium, ouais, c'est quand? Bah, ça veut dire quoi? C'est quand? Bah, c'est quand? Bah, c'est quand? Ça sera en 2001. Ah, d'accord. Bon, bah, tu peux passer la question, t'arrives. Ah. Voilà. Bah voilà, mais maintenant que j'ai répondu, espèce de con. T'es vraiment un pourri pas fini, toi. T'aurais mieux fait une recette dans ton pays de merde, dans ta ville de merde de Troyes. Pauvre tâche. Et voilà, maintenant la question, elle a... Oh, merde, terminé, la quatrième. T'es vraiment méchante, hein, Fifi, hein, d'avoir donné la réponse. Et voilà, c'est terminé. C'est lui. C'est vrai. Alors, avez-vous pris des bonnes résolution pour le nouveau millénaire, si oui, lesquelles merde. Avez-vous pris de bonnes résolutions pour le nouveau millénium? Si oui, lesquelles? On va demander à la salope. Eh ben moi, j'ai pris la résolution de ne plus sucer après m'être fait enculer parce que ça a un goût amer dans la bouche. Oh. N'importe quoi, toi. La petite la salope. Oui. Tu sais ce qu'on va te dire? Non, pourquoi? Eh ben, au revoir. Au revoir. Allez, hop. Revoir. Allez, ça suffit maintenant, les filles à l'antenne. Hein. Allez, hop. Comme ça, ça ira plus vite. Bien sûr. Zaza, t'y vas, toi? Écoute mon poulet, moi, comme ouais, ça. Ouais, ben, écoute mon poulet, pour l'instant, tu vas répondre correctement à la question et tu vas éviter de prendre ta voix de PD. Bon, ben, mon chou, alors, pour répondre... Le restaurant répond le plus facilement à la question. Moi, j'ai pris la décision, tout comme toi, de ne plus hurler dans le nouveau millénium. Alors, je vais te dire une chose. Oui, vas-y, dis. Que pour l'instant, tu vas répondre correctement et tu vas prendre ta voix normale, d'accord? Mais c'est tout à fait ma voix normale, maintenant. Ouais, c'est ça, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule. Fous-toi bien de ma gueule. Tu as quelque chose contre moi. Mais oui, mais fous-toi bien de moi. Fous-toi bien de moi. Tu sais que je passe à l'antenne, comme d'habitude. Ouais, monsieur Mazur. Bah, c'est bon, ça y est. Ça y est, on a compris, d'accord? En de bon entendeur, salut, c'est un avertissement que je te donne à toi. Monsieur Mazur. Oui, eh bien, écoutez-moi, bonne résolution. Je vous dirai, monsieur Gérard, qu'en premier lieu, j'ai choisi de soigner un corps au pied qui me fait atrocement souffrir. Ouf. Et par la suite, je compte aller replanter quelques arbres, puisque, comme vous le savez, il y a eu d'énormes intempéries récemment sur la France. Et voilà, je crois qu'il est de bon ton d'aller replanter quelques arbres, et le plus rapidement possible, bien entendu. Allô? Monsieur Gérard, n'a pas de vie. Allô? Allô, Gégé? Gégé, monsieur Gérard. Allô, Gégé? Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur Gérard, allô? Tu t'es fait couper les couilles? Allô? Allô? Allô? Ça marche plus. Problème, là. Allô, allô? Allô, il. Allô? Ouais. Ça y est, tu vois, moi je viens d'arriver. Bon, allez. Attends, ils ont changé des trucs pendant les vacances. Ah oui, parce que maintenant faut plus allumer là, faut que t'allumes. Ah merde! Non, mais c'est lui, parce que ça a changé pendant les vacances. Ah ouais, excuse-moi. Excuse-moi. Ouais, non, mais fais bien le con, toi. Tu vas voir tout à l'heure, tu vas morfler, toi. Excuse-moi. Je te le dis. Bonne année. Ouais, tu vas voir tout à l'heure, bonne année. Je vais t'en mettre une bonne année, moi, quelque part. Oui, madame. Ouais, je voulais dire qu'on accueille Giorgio, 12 ans. Oh non. Hop, quoi. Le mec de 12 ans, j'en veux pas. Mais j'en veux pas. Il passe aussi le nouveau millénium. Non, je ne veux pas des mecs de 12 ans sur l'antenne. Dis-lui bonjour. Non. Giorgio, t'es là. Hein. Bonne nuit. Bonsoir, Giorgio. Bonne nuit. Non, mais j'ai des avis sur le millénium. Bonne nuit. Non, mais tranquille, je vais me faire des meufs, là. Bonne nuit. Mais laisse-le, GG. Bonne nuit, je veux pas des mecs de 12 ans. Pourquoi? Hop, à dégager. Oh, t'es dur. Et voilà, mais je veux pas des petits gamins, moi. Mais c'est la teuf, GG, putain. Non, mais faucon. Ouais, bon, alors moi, je vais arrêter la brandade de morue, parce que j'ai remarqué qu'en général, je fais de la gueule après, quand même. Et que pour le... Eh, Hey, t'arrêtes un peu le boucan derrière toi, s'il te plaît, merci. Ouais, écoutez ce que je te dis, GG. Non, mais t'arrêtes le bordel un peu qui est derrière toi. Ah, mais y a pas de bordel derrière non, toi. Non, non, fous-toi bien de ma gueule. Respecte un peu ce que je te raconte quand même. Ah, ouais, ouais. Je vais arrêter le Sky aussi. Je vais arrêter le whisky, je vais arrêter de boire du whisky. Je vais me mettre à la vodka parce que ça coûte moins cher et tout pareil. Et puis, bah, déjà, c'est pas mal, quoi. Hein. Bien sûr, Olivier de la production. Ah, tu vois que c'est pas moi. Merci, merci. La production. Ouais, ouais, ouais, bah, Zaza, au revoir. Tu pourras t'excuser. Non, non, allez. Manu, s'il te plaît, tu me passes pas Olivier de la pro, d'accord? Mais il est pas là. Mais si, mais attends, je t'ai bien vu discuter avec Max, comme quoi que vous allez me le faire passer. Il est là derrière, alors tu me le sac. Hop, tu lui dis au revoir. Ça vaudra mieux. Allez, hop. Ok. Bonne nuit pour lui. Alors, Faucon. Non, je répète pas, tu respectes pas ce que je te dis, tu m'écoutes pas. Eh ben, c'est bien, si vous voulez pas répondre aux questions, non, ça sert à rien. Répondre, mais t'écoutes pas. Non, mais ouais, voilà, tu l'écoutes pas quand il répond. Hein. T'avais qu'à écouter, c'est tout, on verra la prochaine. Ouais, d'accord, bah la prochaine, toi, si tu continues, tu vas dégager. Non, non, faut respecter, c'est tout. Bon, bah attends, c'est toi qui commandes. Toi aussi, prends des bonnes résolutions. C'est toi qui commandes. C'est toi qui commandes. Bah écoute, ouais, si, ouais, ouais, pourquoi. Ouais, bah c'est toi, si c'est toi qui commandes, t'as qu'à venir dans les studios et tu peux le débat, espèce de petit con. Tu cartonnes. Bravo. Depuis le temps qu'on y travaille, y'a pas de problème. Ouais, c'est ça, bien sûr. Bien sûr, c'est bien parce que la surprise c'était ça, Manu. Hein, vous allez me faire passer des gens de la radio. Bien sûr. T'as pas reconnu, c'est le doc. Ben oui, c'est ça. Fous-toi bien de ma gueule, toi. Bon, Gérard, pour calmer le débat, il y a Turpentine sur IRC qui pose une question existentielle, à savoir à quoi sert le millénium. Bah, Turpentine, c'est pas la peine parce que j'y répondrai pas. Mais à quoi sert le millénium, Gérard? J'y répondrai pas, elle. Mais à moi, tu me réponds quand je te demande à quoi ça sert? À quoi ça sert? Ça sert à célébrer une nouvelle année. D'accord. C'est tout. Et elle, j'y répondrai pas parce que je connais très bien ses réponses à la fin du débat. Dépêche-toi, Gérard, dans 5 heures, il y a des pubs. Faut qu'on speed. Alors pour ça, on va accueillir Petit God et Couille d'Ours. Oula. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Allô. Petit God et Pine d'Ours. Non, Couille d'Ours. Couille d'Ours. Bonsoir, Gérard. Bonsoir. Couille d'Ours, la couille. Bonsoir, c'est Petit God. Bonsoir, Petit God. Bonsoir à tous. Bonsoir, Gérard. Bonsoir, bonsoir. L'équipe. Bonsoir. Et qui c'est qu'on a derrière ces deux-là? On a toujours Faucon. Bien Mazur, sûr. Faucon et. Et Giorgio. Et Mazur. Et Monsieur Mazur. Oui, bonsoir, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir. Et Monsieur Mazur. Bonsoir. Et l'autre, le gars. Oh, Mazur, ça suffit. Écoutez, je. Oh tout le monde, Monsieur Gérard. Eh oh Vas-y, au revoir. Non, c'est pas du au revoir, c'est de la politesse, genre. Si tu sais pas ce que c'est, bah tu vas à l'école. Ouais, bah merde. Toi, tu vas à l'école, toi, tu ferais mieux de rester chez toi au lieu de venir me faire chier ici. Bon, les débats, on y va. Tu dis à Mazur qu'il scanne, d'accord? Absolument, monsieur Gérard. C'est d'accord? Oui, monsieur Gérard, oui. Alors, Petit God. Oui, Gérard. Donc, avez-vous pris des bonnes résolutions pour le nouveau millénium? Si oui, lesquelles? J'ai décidé de prendre la résolution de ne pas prendre de résolution. Comme ça, je vais pas avoir de choses à tenir, hein, tu vois? C'est-à-dire? C'est une rebelle. Je vais pas me lancer de défis, comme ça, j'aurai pas à les relever. Par exemple, je fume, mais j'ai décidé de ne pas arrêter de fumer en l'an 2000. D'accord. Tu vois? Ouais, c'est comme toi, Gérard. Couille d'ours. Ouais, bah alors moi les bonnes résolutions, bah c'est tout d'abord d'arrêter de péter parce que j'ai des gros problèmes de bide. Ça me ferait bien plaisir d'arrêter. Et puis de skate alors. Ouais, voilà. Gérard, tu fermes ta gueule. Ouais. Mais voilà. Et voilà, Gérard. Sinon j'ai pas vraiment de bonnes résolutions, je m'en fous. 99, 2000, c'est la même chose. Non, bah de toute manière, t'en as rien à foutre. Voilà. Donc, j'ai l'impression que les gens sont blasés, tu sais, ouais. Que ça leur fait rien, qu'on passe en millénium. Non, mais même, c'est vrai. Même, de toute manière. D'un album, Willenium, on s'en fout de Will Smith, c'est bon. C'est vrai. Non, mais de toute manière, t'as rien à foutre. C'est tranquille. Il n'y a pas de différence alors, Gérard, en fait. Bon, enfin. Dis-moi. De toute manière, c'est même pas, je sais même pas pourquoi qu'on fait un débat sur. Non, justement, sur ça. C'est intéressant. Ah, si, c'est intéressant, Gérard. Ça sert à rien d'avoir. Ça sert à rien. Parce que, de toute manière, je sais très bien la surprise qu'il y avait, c'est que toi, t'allais venir. Et que vous allez me reprendre les mêmes. Donc ça n'a pas loupé. Non, je t'ai dit, la surprise, je t'ai dit ce que c'était. Mais oui, mais c'est ça. Ah, le rapport, elle va se faire enculer elle-même. Elle attend que ça, ouais. Non, mais Gérard, si on reparle un peu du débat, c'est quoi, ouais voilà. Pourquoi les gens, ils en ont rien à foutre, tu vois, qu'on passe à l'an 2000 alors que mais même, ça débute un nouveau truc. Mais non, mais de toute manière, ça va rien changer. Oui, mais dans la tête des gens, peut-être que... Mais ça va rien changer. Pourquoi? Parce que ça va pas les empêcher de faire les conneries qu'ils ont fait à l'heure actuelle. Et ça continuera. Ouais. Ils en font, ils arrêteront pas. Et tu crois pas que ce soir, les gens à minuit vont pas péter les plombs, ils vont faire des conneries? Mais de toute manière, ça arrêtera pas. Alors, qu'ils arrêtent de dire que ça va changer quelque chose, ça changera rien du tout. Il faudra aller bosser lundi, de toute manière, c'est tout. Et voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué? Attends, t'as pas répondu à la question. T'as tes bonnes résolutions pour l'an 2000, quoi? Non, mais moi, je le dis pas maintenant, c'est tout. C'est maintenant, mais jamais. Je l'ai déjà dit depuis. T'avais qu'à ouvrir tes esgourdes, espèce de con. T'arrêtes de picoler? Ta gueule, toi. Oh là là. Voilà, comme ça, ça va plus vite. Bon, Gérard, j'ai une très bonne question sur l'IRC de Isidore qui te demande pourquoi on dit le millénium et non pas le deux millénium. Ben non, parce que ça a été précisé le millénium. Pourquoi? Parce que ça fait 1000 années. Donc, voilà. 2000, on rentre en 2000. Ben ouais, mais moi, justement, c'est... Moyen-Âge. Oh, mais ça suffit, les auditeurs, c'est pas vous qui répondez. On vous l'a fermé. Merci. Donc, je sais pas, moi, c'est pas moi qui ai décidé de dire le millénium. Mm-hmm. Ça a été marqué le millénium. Pourquoi pas l'an 2000? Donc, pourquoi le millénium? C'est ça le truc que je voudrais savoir. Mais aussi. Mais pourquoi l'an 2000 aussi? Pourquoi 2000 aussi, ouais. Ça parle de quoi? Pourquoi 2000? De 1900, on passe en l'an 2000, donc ça fait déjà 1000 ans. Mm-hmm. Ah, 100 ans. Ça c'est clair. Ça fait 100 ans. 1900 à 2000, ça fait 1000 ans. Ouais, bon, ça fait 100 ans. Bon, toi, tu t'écrases et c'est tout. t'étais né en 1900? Non, t'étais encore dans les couilles de ton père. Ouais, même dans d'accord, les... comme moi. Alors, ok, en de bon entendeur, salut. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, on peut peut-être appeler les Bogdanov. Ah. Non. Puisqu'on les connaît. La question, qu'est-ce qui vous a marqué le plus ces dernières années? On va demander à Petit God. Alors, attention, je précise. Qu'est-ce qui vous a marqué le plus ces dernières années? C'est-à-dire, dans les 100 ans, me parlez pas de... Titanic et tout ça. Hein. Non, de la guerre et tout ça, parce que si c'est pour entendre parler de la guerre et tout ça, laissez tomber. Hein. Les choses positives, alors. Donc, Faucon. Petit God, pardon. Bah, moi, c'est quand je me suis acheté ma voiture. Ça a changé ma vie. Parce qu'avant, je n'avais pas de voiture, et puis que j'ai une voiture, c'est génial. Non, mais attends, t'as quel âge, toi? J'ai 20 ans. Mmh. Donc, en 1900, déjà, tu savais ce que c'était une voiture? Pourquoi tu me parles de 1900? Bah, attends, si je te demande, qu'est-ce qui vous a marqué? Parce que le pas plus, le choix, c'est 1900 et 2000. Lors de ces dernières années, c'est tout, c'est pas. Il n'y a rien entre les deux, si entre, y a rien. Ah, c'est le bug, le fameux bug de l'an 2000. Le bug de l'an 1000, c'est 1900. Voilà. Ouais. Bon, enfin bref. Voilà, c'est ma voiture, ça a changé ma vie. Ah, ça t'a changé ta vie, d'avoir une voiture, ça te change ta vie? Oui, bien sûr. Ah ouais? À toi? Ah non, personnellement non. T'as pas de voiture? Couille d'ours. Ouais, bah alors moi, ce que j'ai trouvé vraiment génial. Excusez-moi. En fait, c'est la gaffe et le big deal. Et je le trouve génial, ce mec-là. Et puis voilà, quoi, je kiffe. Voilà. Ouais, d'accord. Okay, tu te foutrais pas de ma gueule là? Mais non, pas du tout, moi je kiffe la gueule. Non, mais avec tu te foutrais. Tu costume tous les soirs. Tu te foutrais pas de ma gueule, tu prends le train? Non, le TV, ouais, bon. Non, mais j'aime bien, Pilda. Vas-y, continue tes conneries. C'est pas moi, à cause de toi! C'est couille douce! À cause de toi! Si tu continues, on va couper le débat. Alors, serais toi! Je laisserai ma place à quelqu'un d'autre. Je passe. Au revoir. Je laisse ma place. Au revoir, couille d'ours. Il a rien dit. Au revoir. Le mec a fait du big deal. Il a rien dit pourtant. Oh, le mec. Au revoir. Oui, bonsoir, monsieur couille d'ours. C'est beau, celui-là. Bonsoir. Au revoir. Hop là. Manu, tu dis au revoir directement, s'il te plaît. Au revoir directement, s'il te plaît. Parce que tout à l'heure, c'est moi qui vais aller là-bas et je vais zapper tout le monde qui va, ça va aller vite. Ah bah oui. Faucon. Bah écoute, moi ce qui m'a marqué dans le siècle qui vient de s'écouler, c'est en fait la mort de l'enfant de Phil Barnet dans la chanson. Ça m'a un petit peu traumatisé, comme toi d'ailleurs. Et voilà, ça m'a beaucoup marqué. C'est bon ça. Ouais. Émotionnellement je parle, hein, émotionnellement parlant bien sûr. Ouais, non mais c'est l'histoire que t'as eu. C'est beau, ouais, non c'est beau, ouais. Franchement c'est beau, c'est triste mais c'est beau. Tu sais, c'est pas le bébé qui est mort, hein, c'est la femme. Ouais, justement. Ah, d'accord, exact. Peut-être changer ta vie de l'an 2000, là. Exact, ça me révolutionne. Non, mais tu vois, Faucon, faudrait peut-être écouter un peu plus les chansons. Dans ton micro, Gérard. J'ai bien aimé aussi quand Jean-Pierre François lui a dit « Je te soulèverai », tout ça, j'ai kiffé. Je te soulèverai, espèce d'abruti. Bah oui, je te soulèverai. Ouais, ben, moi, Faucon, tu vois, moi, je te soulève pas, moi, je t'enterre. Alors, au revoir. Pourquoi ? Au revoir. Au revoir, Faucon. Voilà. Monsieur Mazur. Attends, pour le remplacer, on accueille Jean-Claude et on accueille aussi comme tu veux. Alors Jean-Claude à la place de qui ? À la place, je sais plus qui, on s'en fout, on a quatre, c'est tout. Jean-Claude. Bonsoir, je suis de Tchétchène. Jean-Claude et l'autre. Je te préviens, toi, Jean-Claude, tu vas répondre. Ah oui, mais je vais répondre, il n'y a pas de problème. Hein. Attends, je suis venu là pour répondre, moi. Donc, allez, hop. Bonne nuit, allez hop. Non, non, hé. Manu. Non, Gérard, reste à sa place, ça sert à rien. Je vois, pourquoi tu t'en vas ? Non, non, allez. Oh. Non, allez hop. Au revoir. Au revoir, j'aime pas les câbles. Gérard, il y a un autre auditeur qui est là, allô ? Allô, oui, bonjour. Salut. Bonjour. Ton prénom ? Allez hop, c'est Mokhtar. Non, allez hop, c'est bon, allez hop. Vous m'en faites une gueule. Non, allez. Pourquoi tu veux me hop. À chaque fois, c'est la même chose. Bonne nuit. Gérard, je voulais te souhaiter une bonne année. C'est ça, au revoir. Bonne année, Gérard. Ouais, ben, Pierre Bousselet avec Quand j'aurai des dents, en l'an 2001. Manu! Honnêtement! Manu! Yo! Il est con ou quoi, lui? T'as pas d'auditeur, t'as rien? Il est où, Manu? J'ai que dalle, là! Gérard, t'es animateur, faut que tu combles, là, normalement. Attends, ils veulent remplacer. Non, casse-toi. Attends, pendant que Manu n'est pas là, Non. Bah alors, Manu? Oh! Je me faisais sucer, là, bordel! Allez, putain! Bon, apparemment, d'après les derniers sondages qu'on a pu avoir par Max, c'est quelqu'un qui... 0h45, donc on est 13 903 000 auditeurs sur l'antenne. Et sur l'internet, Rigo, si tu pouvais faire un petit point. Alors, sur l'IRC internet, on peut faire des petits points, des gros points. On était 8250 à l'instant. Putain, ça monte pas, ta merde, là. Et il y a quand même une petite question de Camus qui voulait savoir si on est obligé de changer d'heure en l'an 2000. Non. Ah bah ça, changement d'heure, de toute manière, oui, on sera obligé comme tous les ans. Rigo. Mais par contre... Peut-être citer les noms, peut-être des gens. Ah, on va les citer, Si des fois on avait des... Alors, quelques noms à citer, on a Bosniak, Checkmate, Destroy 2000, Fesse de Babouin, Camus, Kérosène, Michel, Loutre, je sais pas quoi, Moulinex, Misto, il y a deux Perforas, comme c'est bizarre, Spitfire, Turpentine, Sadi, Lali, Bigzu, Luchou, Candimal, Chapi Alu, oui. Loutre, c'est pas... Lautrec, j'ai mal lu, Michel Lautrec. Evil Ben, Feux Artifice, Godzi, Isidore, Jay-Z. Il n'y a pas Tatoum. Paranoïdes, si, peut-être, je sais pas. Elle doit être réclamée encore. C'est bizarre parce qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup de Minitel qui fonctionnent. Donc c'est normal. On peut pas l'annoncer. Donc on accueille Rabou pour ça. Rambou, bonsoir. Allô? Merci Filda. Allô les relais. T'appelles d'où? Oui, c'est Sergent Rambou, bonsoir, je t'appelle de Guyane. D'accord, allô. Petit God. Oui, rebonsoir Gérard, rebonsoir l'équipe. L'autre en chaleur. Salut. S'il vous plaît, bonsoir Gérard, bonsoir. Bonsoir, Nigor quoi? Bogdanov, c'est un des frères. On a les Bogdanov. On a un Bogdanov, c'est bon. Un Bogdanov. Ouais. Filda, tu fermes ta gueule, c'est pas toi qui mène les débats, d'accord? Ouais. Un Bogdanov, arrête. Toi, si t'es pas content, tu retournes chez toi. Et un indice, je vous donne seulement un indice pour le mix suprême, 1h-5. C'est ce que je peux dire. Je préviens d'une chose, que le premier qui appelle pour le mix suprême, je coupe le débat et je me casse. J'appelais pour ça, donc... Alors, en de bon entendeur, salut pour toi. Ouais, j'ai une fin d'embrouille. Non, mais Gérard, reviens. Mais non, mais c'est pas grave, reviens. Mais c'est arrêté, ne tape pas. Ne tape pas. Ah, t'as vu, ça se fait enculer. C'est prévu. Arrête, j'ai rien dit. Tu te casses. Je sors du studio. Je veux plus te voir. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne veux plus te voir. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu te casses. Phil, viens au standard, Phil. Phil, tu te casses. Phil, viens au standard. Tu te casses. Allez, hop. Casse-toi pour de bon maintenant. Putain. Quoi, il a annoncé le mix suprême? À 1h05 maintenant, je continue pas. Alors, c'est quoi? Vous n'êtes pas appelé pour ça? Si, si. Bah non, mais à qui c'est qui réa? Mais non, bah je sais pas. Bah tu restes. Ah bah non, je suis pas là, moi je suis en train de travailler sur un truc là. Putain, comment on fait, ça merde là. On va envoyer la petite lune là, cul d'ail. Non, si Olivier. Bah si Olivier. Non, je le fais pas, Gérard, je le fais pas. Non. Bon. Non. Il t'a fait voir le bordel, tu te casses. Tu te casses. On sort. Bon alors, attends, tu te casses. Bon, laisse ça, voilà. Tu te casses. On sort et on va lui redonner une deuxième chance. Non, il n'y a pas de deuxième chance pour. Il fait le standard. Non plus. Fildar, viens voir. Ça c'est Fildar. Non. Fildar, viens voir. Ah mais je vais lui parler, je vais mettre les points sur l'été. Lui tire pas trop les oreilles hein, parce que c'est chaud. Qu'est-ce qu'il y a? T'étais où? Ouais, j'étais en train de fumer une clope. Ouais, bah tu te calmes. Alors tu fais tes excuses et puis t'annonces que le mix suprême est supprimé. Oh non. Si, on annule le mix. J'ai dit à ma mère de découvrir. Non. Merde. Alors t'annules. Bon, j'annule le mix suprême. Ce sera peut-être un peu plus tard, mais après il débat Gérard. Oh non. Parce que si on fait gagner 300 000 francs pendant les trucs, ça nous est déjà arrivé une fois avec Capoulin, on va pas remettre ça. Non, j'annule. Je m'excuse. Non, mais de toute manière, y a rien à gagner, c'est tout. T'as abusé, Fildar. Ouais, je sais. Non, mais je veux pas le savoir. Comme ça, le débat, il va vite se terminer au lieu d'une heure et demie. Il va vite se terminer. Ok. Alors donc, la question, c'est qu'est-ce qui vous a marqué le plus lors de ces dernières années, c'est tout? Alors, Rambou. Ouais, bah écoute, nous, ça a été quand même la conquête de la Guyane française. C'est-à-dire? Avant toute chose, bah, on a posé des barrages en amont, au sud-sud-ouest de l'azimut 47. Ensuite, on est arrivé par un mouvement de tenaille venant de l'est, et on s'est imposé, c'est tout. Non mais attends, c'est ce qui t'a marqué toi le plus? Moi c'est ce qui m'a marqué, j'ai perdu 12 camarades quand même. D'accord, tu parles de la guerre toi. Carrément, des choses positives. Petit God. Ouais, c'est la vie, je t'avais entendu, Gérard, c'était ma voiture. Ah ouais, toi c'est vrai, ta voiture. C'est quoi Gérard? L'outre en chaleur. Ouais, alors bah moi c'est la Coupe du Monde de football, hein, remportée par la France en 98. Non mais attends, il y a quand même plus de choses que ça, non? Bah ouais, mais c'est ce qui m'a le plus marqué. Oh ouais, mais ça, je pense que c'est tout le monde qui pense que la Coupe du Monde, c'est vrai, hein. C'est vrai, oui, c'est sûr que c'est vrai. Et Nigor, oui. GG, la rediffusion de Dallas aussi, c'était vachement pas vrai. Bon, mais ça, j'en ai rien à foutre de Dallas. C'est ce qui m'a marqué, et de sauver par le gong, c'est tout. Oh non, bah, voilà, moi je vais te dire une chose, Dallas, c'est pas moi qui te suivra. Hein. Désolé pour Françoise, mais c'est pas moi qui va suivre. J'ai pas envie que tu me suives, je t'en rassure. Des feuilletons comme ça, moi ça m'intéresse pas. Hein. C'est derrière. Nigor. Oui. Allô? Pardon. Ouais, on t'écoute. Allô, bonsoir, je suis Nigor, je suis spécialiste du futur. Ok, parle-nous du Big Bang, vas-y. Gérard, vous m'entendez? Concentré. Bon, allez. T'as espignol ou quoi? Oh, allez. Bon, allez, hop, c'est un bouc d'anneau, c'est un scientifique. Mais je veux pas le savoir, moi. Oh, je veux pas. J'ai trois cerveaux par rapport à toi, lui. Gérard, tu m'entends? Oh, 12. Gérard. Bah, ta couche. Gérard. Bon, et les auditeurs, vous le laissez. Dans ce siècle énorme et grand, je crois que c'est l'absence de culotte de Mallory Nataf. Bon, alors c'est simple. Nigor, bonne nuit. Nigor, allez hop. Au revoir. Cette technologie. Est-ce que tu peux nous parler du trou noir de GG? Mais absolument. Le trou noir de GG a été formé par l'explosion de deux supernovas. La boîte à caca, ouais. Une blanche, une noire. Et malheureusement, c'est la noire qui a pris le dessus et qui a formé ce que l'on sait. Une immense et intersidérale trace de pneus. Un gros trou. Repéré pour la première fois par le télescope Hubble il y a de cela 11 années déjà. Excuse-moi, Nigor, mais Gérard n'écoute plus, donc ça sert à rien de te fatiguer. C'est intéressant. Mmh. Oui. Mais non, Gérard, tu pourrais mettre ton casque quand même. Non, et ton micro là. Respecte un peu. Non, mais moi je veux pas te savoir. Ton micro, Gérard. Tu le vires. Ah d'accord, ok. Tu lui dis au revoir, c'est même pas la peine. Ça y est. Hop. Moi je veux pas entendre des conneries sur moi, d'accord. Je suis pas venu là pour me faire emmerder par des petits cons. D'accord. Alors en de bon entendeur. Manu. Tu le prends pas sous un autre nom, s'il te plaît. Non, mais Nigor Bogdanov, il a pas que ça à foutre. Ouais, non, mais c'est tout. On va en boîte. Bonsoir, Gritcha. Donc Gérard, on y va là. Bon, alors qu'est-ce qui nous a marqué les toi. Pour moi, ce qui a marqué, donc c'est vrai que comme disait l'outre, je pense que c'est toi l'outre. Oui. C'est toi qui a parlé de la Coupe du Monde. Oui, tout à fait. Bon, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose de grand. Au cœur, ouais. Bon, on a eu ça. Faut dire une chose que il y a aussi quand même depuis 100 ans, il y a quand même pas mal de trucs qu'on quand même on fait, a été sur la lune. Fait du mal pour un sans fil d'art, tu t'écrases s'il te plaît, merci. Oui. C'est long hein. Oui donc. Putain, ça commence à bien faire fil d'art avec tes doubles voix, s'il te plaît, tu arrêtes avec ton bordel, OK? Parce que là, ça, tu commences à me les gonfler sérieusement. C'était un auditeur, mais c'est pas grave, vas-y. Ouais, non, mais c'est pas un auditeur qui s'amuse à faire ça, d'accord? Vas-y, continue. Donc, pour répondre à l'outre, il y a la Coupe du Monde, il y a eu quand même aussi, c'est pas pour revenir sur ce que Max a passé tout à l'heure quand il y avait Jean de Nevers, il y a quand même aussi mai 68. T'es d'accord avec moi, l'outre? Ouais, allô? Ouais. L'outre. Ouais, tout à fait, mai 68. Donc, bon, mai... pas encore, mais. Ouais, non, mais il y a mai 68, il y a aussi l'histoire du mur de Berlin, il y a quand même la guerre du Golfe, il y a quand même pas mal de trucs. Attends, Gégé, qu'est-ce que tu penses du 12 janvier 78? 1978. Ouais, tout à fait. Ouais. 1978. Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est quand même vachement important. Je veux dire au niveau de l'histoire événementielle. Non, mais qu'est-ce qu'il y a eu ce? Il y a eu ma naissance le 23 janvier. Révise. Non, mais qu'est-ce qu'il y a eu? Dis-le. 5 jours avant la naissance de Manu, quand même. Jusqu'à. Non, mais dis-le. Première dilatation du col. Quel col? Mais le col. Attends, tu commences. De ta chemise. Pauvre con, va. Le col du utérus. Mais c'est ça, fous-toi bien de la gueule. Oui, c'est l'avortement, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. Mais attends, voilà, bien sûr, Fildar, une question à pas poser à l'antenne, c'était bien l'IVG, espèce d'enculé. Putain, vas-y. Mais c'est la date, on parle de... Mais arrête tes conneries. On parle d'événement. Putain, une connerie à pas dire, c'était bien ça, espèce de con. Qu'est-ce que t'as dit? Espèce de con. Je sais pas, il a parlé d'IVG, je sais pas. Putain. Les parties live. Genre, c'est l'autre tranche, alors. Qu'est-ce que tu as pensé du César, enfin du 7 d'or de la gaffe aussi? Ça, j'ai pas regardé, tu vois, alors je veux dire une chose que... Ça, c'est un événement, par exemple. Non, mais on parle des 100 ans qui sont passés, donc c'est tout. Ça s'est passé dans ces 100 dernières années. Ouais, non, mais attends, ça, la remise des Césars, dans ces cas-là, pourquoi pas que tu... Les gouttes d'or de Rocco Siffredi aussi. Ouais, bien sûr, les gouttes d'or, et pourquoi pas le goutte d'or de ta sœur. Non. D'accord. Alors pourquoi que le Mignanéum est-il fêté le 31 décembre? C'est rare pour ça, on va accueillir Tampon qui pue. Manu, un conseil que je te donne. Oui. Ne t'amuse pas à changer les noms des auditeurs, parce que c'est simple, il y a 24 lignes qui sonnent et t'en prends aucune. Bah écoute. D'accord. Écoute. Bonsoir. Salut. Bonsoir, fillette. Salut, petite. Allô? Oui? Tampon? Qui tu? T'appelles d'où? Moi? De Dijon. T'as quel âge? Ouais, t'as quel âge? 18. Ouais, fous-toi bien de ma gueule. Fous-toi bien de ma gueule, toi. T'as un petit réveil, ma grande, hein. Rappelez Jordiou. Ouais, je crois que... C'est Grishkan. Ah ouais. J'ai l'impression que celle-là... Elle a pas beaucoup de poils. Il y a aiguille. Ah, bah, tiens, on va lui demander... un tampon qui pue. Oui. Alors, tu peux répondre à la question? Ben oui. Alors, vas-y. Tu peux la répéter? Tu te fous de ma gueule ou quoi, là? Bah, elle était au standard, Gérard. Non, elle était pas au standard. Au standard. Quand on est au standard, on a la radio derrière, on écoute les questions. T'as rien eu. T'as l'air, tu vas avoir quelque chose dans le cul, toi, espèce de petite vache. Gérard, doucement. Il y a menace, là. Qu'est-ce qui a marqué ces 100 dernières années? Non, c'est... Pourquoi le Mingenium est-il pété le 31 décembre? Mingenium. Ah ben alors là, j'en sais rien. Ah bah alors tu réfléchis. Non mais attends, t'as quel âge là? Moi j'ai 18 ans. Ouais, t'as c'est ça. Tu te foutrais pas de ma gueule un peu? Ouais, tu peux pas là, 12 ans, merde. Bon bah laisse-la réfléchir, passe à quelqu'un d'autre, vas-y. Ouais non mais attends, je vais pas rester avec une... C'est pas grave, laisse-la réfléchir. Mais d'abord tu critiques pas parce que j'ai un problème de la voix, on m'a opéré. Ouais, c'est ça. On t'a pas opéré de la chatte? Arrête, Gérard. T'es fou quoi? Tu dis encore ça y est, ça y est. Excuse-moi, mon pote, on va accueillir Grisha. Bogdano, bah voilà. C'est le frère. Ouais. Non plus. Non mais il est plus intelligent que Igor. Il est bien mal. Allô, on croit Richard. Ouais, Gérard, tu m'entends? Je t'écoute. Ça va? Ouais. T'as pas été très cool avec mon frère là, il pleure. Là. Ouais, mais t'es obligé de prendre le téléphone. Oh, Igor. Bon, ça, c'est Manu. Mon frère. Quoi? Il est hors de question que tu t'amuses à prendre les deux mêmes. Hein. À prendre des jumeaux. Ouais, ouais, non, même. Pas de jumeaux à l'antenne. Pas de jumeaux. Attends, pas de jumeaux, c'est bon. Y a mon frère, il est à côté, il pleure, tu l'as fait pleurer. Je m'en fous. Mon chou, tu jettes, on a le droit ou? Il y a bien un hydrocéphale. Ah non, mais qu'est-ce que t'as contre les frères jumeaux, on peut savoir? Bon, la question n'est pas là, d'accord, on n'en a rien à foutre. Alors pose la question et j'y réponds. Tu viens de l'entendre. Mais non, je viens pas de l'entendre. Oh non, mais allez, faut pas se foutre dans la gueule du monde, d'accord. Pourquoi le mien? J'étais au standard. Faut pas se foutre dans la gueule du monde. Vigor, écoute, pourquoi le 31 décembre? C'est Grisha, c'est pas Vigor. Ouais, pourquoi quoi? Pourquoi le 31, le millénaire tombe un 31 décembre? Parce que le 1er janvier, c'est férié, voilà pourquoi. Et pourquoi pas le 13? Comment? Parce que c'est comme ça. Alors, je vais te dire, d'abord, le 1er janvier... Bah, vas-y, fais comme ton frère, vas-y, raconte-nous ton bobard, vas-y. Mais je peux parler deux secondes, oui. Bah, vas-y, bon. Vas-y. Est-ce que tu savais, Gérard, que la nouvelle année, avant, il y a très longtemps, ça se passait le 1er avril et pas le 1er janvier? C'est ça, pourquoi pas le jour du poisson d'avril aussi, non? Justement, c'est pour ça que ça a été instauré comme ça, le poisson d'avril. Mais c'est ça, mais c'est oui, c'est ça. Le 1er avril, demande à qui tu veux. Mais allez. Mais bien entendu. Bien entendu, n'importe qui pourra te confirmer ce que je suis en train de dire. Mais oui. Mais non, mais c'est vrai en plus, hein. C'est vrai. C'est vrai. Attends, petit god. Petit god, t'as 20 ans, tu sais que le 1er janvier tombait le 1er. Avant, oh tombé quoi le 1er avril. Mais quoi pour rien, c'est un coup de réflexion en ce moment, c'est ce que tu veux. N'y fais rien. Ça va, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Non, pas encore. Ouais, non, là, tu me le sors complètement. Pas complètement. Tu me le sors complètement. Sors-moi qu'un bras, on verra. Moitié, déjà, c'est bon. Bon, fil d'art, c'est terminé. Quoi? De manière, c'est simple. À 1h15, j'arrête à cause de fil d'art. Fil d'art, tu dégages. Fil d'art. Gérard, échange. Allez, viens, fil d'art. Échange la team. Voilà. Et Gérard, j'ai une très bonne question sur l'IRC de Moulinex qui kiffe Noémie. Il te demande pourquoi le 31 janvier ça tombe un vendredi 13. Oh là là. Alors c'est simple. Alors ces histoires de vendredi 13 et de 31, j'en ai rien à cirer. D'accord, c'est pas nous qui avons décidé ça comme ça. Alors Fildard, tu es au standard, tu calmes ta gueule. Il a rien fait. Je ne veux pas devoir allumer le micro, tu prends les lignes qui sonnent. Parce que ça sonne. Ok? C'est chaud. Non, tu... Et c'est comme au bon vieux temps, hein. Oh, je sens que tout à l'heure, ça va mal se terminer, hein. Old school. Alors, je viens d'avoir encore des nouveaux... Il y en a qui m'appellent pour le mix suprême, on a dit... Bah ouais. C'est bah oui. C'est annulé. Faut qu'il fasse une annonce, Gérard. Pas avec ça, hein, quoi. Moi, je me paye pas 300 bon. Francs. Allez hop. Fais une annonce, Gérard. Dis que c'est annulé. C'est en euros, en plus. Dis que c'est annulé. Ah, maintenant, c'est 300 000 euros. C'est annulé, c'est annulé. Fildard. Annulé. Fildard, tu quittes tes studios pour toujours. Tu es en vacances, tu n'as rien à foutre là, tu dégages. Tu dégages. Je bien que le mix suprême, il n'y en a pas, moi je paye. Non, non, mais il n'y a rien du tout. De toute manière, ce soir, c'est les débats. Il n'y a rien. C'est Fildard qui payera de sa poche. Alors, Fildard, t'as intérêt de sortir le pognon. Et je viens d'avoir des nouveaux chiffres. On est 14 731 000. Ça va. Sur Internet? Non, sur qui nous écoute. Donc. Alors, pour le mix suprême que Fildard vous a annoncé, c'est Fildard qui paye de sa poche. Donc, si vous voulez l'appeler, ça y est, c'est annoncé, Max. Donc, si vous voulez l'appeler, ben, vous appelez Fildard et c'est Fildard qui va se faire un plaisir de prendre votre adresse et de vous envoyer cet argent. Non, mais déconne pas, hein. Donc, Manu, s'il te plaît, tu t'amuses pas. Les auditeurs, là. Non, mais tu t'amuses pas à me couper mon micro non plus. Je viens de couper les auditeurs. Donc, Fildard. Vas-y. Non, mais c'est toi qui payes de ta poche. Voilà. D'accord? Alors, Rambou. Bah, donc écoute, pour toi le 14 juillet c'était déjà pris, donc c'était... Non, mais je te parle pourquoi le millénium était pété le 31 décembre. Bah, je te dis parce que le 14 juillet c'était pris, le 1er, le 8 mai c'était pris aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le 11 novembre c'était pas possible. Le 11 août il y a une éclipse. Il y avait l'éclipse, tout à fait, il y avait plein de trucs. Donc, ouais, mais l'éclipse, de toute manière, ouais. faut bien se dire une chose que tout le monde ne l'a pas vu. Attention, Gérard, j'ai vu dans le Paris. Le 11 août 2000, nouvelle éclipse, rediffusion. Attention, c'est ça. Ouais, je crois que tu te mets le doigt dans le cul. Non, je l'ai vu dans le Pariscope. Gérard. Tu l'as vu dans le Pariscope et à mon avis, l'éclipse n'est pas prévue pour 2000, d'accord? Elle est prévue pour quand, là? Elle est prévue pour l'an 2011. Quel jour? Ça a duré toute l'année. Non mais attends, il y en a vraiment un qui revient de vacances pour foutre sa merde, c'est Fildar. N'ayez crainte, il revient de vacances, il vous accueille au standard et il paiera les 300 000 francs de sa poche. D'accord, ok. Alors petit God. Ah, tu veux retourner au standard? Mais non, je veux gagner 300 000 parce que... Eh ben alors, tu retournes voir Fildar. Fildar, ça gère. Fildar, petit God, veut 300 000 balles. Tu vas lui donner. Voilà. Hop, allez. Bon, Gérard, pour calmer le débat un petit peu, parce que là, ça part un peu n'importe comment, il y a Yeur du cul sur IRC qui voulait savoir si c'est vrai que le nouvel an 2000 dure 2000 heures. Non. Voilà, non. Le nouvel an 2000 dure pas 2000 heures. Hein. Il dure combien de temps, alors? Ben, il dure qu'une nuit, hein. C'est-à-dire, on passe du 31 décembre au 1er janvier 2000, c'est tout. Et bien sûr, c'est vrai, c'est ça que la question est bien posée. Bah ouais. C'est vrai que tout le mois de janvier, du 1er janvier... Merci Manu. J'ai rien touché. Il se passe rien, là. Y'a rien, Gérard. Y'a rien, continue, Gérard. Manu, tu m'allumes mon micro. Mais il est allumé, je t'entends, Gérard, qu'est-ce que tu fais? C'est allumé. Monte ton micro, je sais pas, fais quelque chose. Non. Voilà, Manu. Mais j'ai rien touché, Gérard. Manu, ça commence à bien faire. Hey, vous êtes deux connards, hein. Ça se voit que le chef fait pas là quand c'est Max, vous faites pas de bordel, mais quand c'est moi, vous foutez la merde. Or, en deux demi, je fais pas de débat. Bah, d'accord. Ok. Mais toi, tu vas pas enculer, tu. D'accord. Ouais, non, mais bon, tu vas. Donc, alors, Manu, fais gaffe parce que tu vas prendre... Pose ta question. Ouais, fous-toi bien de ma gueule aussi. Donc, pour répondre à la question, c'est vrai que tout le monde dit que le nouvel an est le 31 décembre. C'est vrai, on souhaite la bonne année le 31 décembre. Mais il faut se dire une chose, qu'on peut se souhaiter l'année, une bonne année jusqu'au 31 janvier. Mais ça dure un mois, en fin de compte. Voilà, pour répondre à la question de l'IRC qui... Tout à fait, hier du cul. Voilà. Donc, je pense qu'il a très bien compris. Mm-hmm. Alors, à la place de qui c'est qu'on... Il va se présenter. Bonsoir. Bonsoir, c'est Cousin. C'est Cousin. C'est Cousin. Cousin. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut, Cousin. Bonsoir, Gérard. C'est Cousin. Je le prends pas à l'antenne. Bonne nuit. Pourquoi? Alors, Fildar. J'ai rien capté, là. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Gérard, il s'appelle comme ça. Il est parti, là. Pourquoi? C'est son nom. Tu l'appelles pas, Fildar. D'accord. Tu l'appelles pas, tu sais mon nom de famille, tu l'appelles pas. T'es le fils de pute, tu dégages. Noémie, tu viens au standard. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est fini. Ça y est, il est parti, ça y est. Non, mon pote. Je t'appelle bien cousin. Yo, mon pote. Ça va, la MPC, ça roule. Parce que regarde, à cause de... J'ai eu 12 millions à cause de... Je comprends pas ce qui se passe. Des chiffres. Il y a du monde, Gérard, il y a du monde. Il te parle, là, mais ton gars, attendez les auditeurs. Pas annoncer ça. À cause de... Mais ton casque, ça fait du Larsen, là, ouais. C'est horrible. Voilà, c'est cousin, là, pareil. Trouvez un casque, là, parce que... Bon, Gérard, tu te manies un peu, là. Combien on est pour le moment, là? Hop, ça va, on est bon, là. Ah, on est bon, hein. Oh, on est bon. Gérard, c'est cousin. Allô, cousin? Oui. Tu m'attends les auditeurs, je peux pas au standard, moi. Noémie, c'est la crotte, hein. Ah, faut attendre. C'est pas grave, on va essayer de faire un débat sans auditeurs. Vas-y, pose la question. Donc, à cause de Manu et de Fildar, donc à cause de vous deux. Vas-y, pose la question. Donc, on est plus que 12 071 000. Yes. Donc, voilà. Okay. À cause de vous deux. Okay. Donc, Manu et Fildar, bravo. C'est du délire. Bravo, ben vas-y, continue tes conneries. Alors, Noémie, tu fais une chose, tu me reprends d'autres des autres auditeurs et tu me vires un dénommé Monsieur Machin, que je ne veux pas entendre sur l'antenne, c'est tout. On va essayer. Donc, c'est ta chance, ce soir. Pour un sang, Manu... C'est la chance de ta life. Donc, pour Manu, donc, t'essayes d'envoyer un disque et on fait une petite pause. Bah, essaye. Tu vas annoncer le disque. Ah, voilà. On annonce. Alors, donc, c'est le disque 2001 de l'Odyssée de ma grosse. Avec ma femme, elle porte des slips de pour ma... Quoi ? Pour Mammouth, je crois. Pour Mammouth. Ok, on se retrouve juste derrière avec des nouveaux auditeurs. Et la question, ça sera... Donc, la huitième, ça sera pourquoi le millionnaire a-t-il fêté le 31 décembre en espérant que ça se passe mieux que avant. Si je suis prêt, si je serais pas intelligent, je serais pas des débats, hein, Brouty. Les débats de Gérard. Et voilà, bonsoir à tous. Donc, Manu est passé à l'Aria. Oui, bonsoir. Donc, le premier disque, c'était le 2001 de l'Odyssée de ma grosse avec ma femme. Elle porte des slips de pour Mammouth. Le deuxième, c'était... Le deuxième, c'était quoi? Bah, c'était ça. Excuse-moi. Merci. Alors, le deuxième disque, c'était la bourrique sans domicile avec demande une morue en mariage pour l'an 2000. D'accord, merci. C'est pas mal. Et donc, au standard, c'est Noémie qui a repris la relève, donc qui sera responsable du standard s'il y a un problème. Quand vous l'appelez, parlez pas trop vite. Ouais. Donc, s'il y a un problème, c'est Noémie qui prendra sur les doigts, non fil d'art. Voilà, et Noémie, t'as le bonjour de Guillaume d'Argenteuil. Bonjour Guillaume. Donc, si on pouvait avoir... Il va faire dans sa culotte. Oh merde. Les auditeurs. Mais ça arrive, elle sait pas écrire. Ça arrive, voilà, j'avais pas de crayon, j'ai dû aller en chercher un, excuse-moi, cher. Alors, donc, la question, c'était pourquoi que le millionnaire est-il peut-être le 31 décembre, donc... T'as pas un sondage en attendant les auditeurs, un petit truc, là? Ah ben, si, bah oui, bah avoir si. Un petit sondage... Bah, je pense aussi. Ah ben, il est là. Bah, vas-y, alors. Alors, selon vous, qu'est-ce qui vous a marqué qu'est-ce qui a marqué le millénaire? Alors, 40% des gens ont répondu l'éclipse de ma lune. 10% des gens ont répondu le régime de Sandy. Alors ça, j'en ai rien à foutre. Et 0% des gens ont répondu mon intelligence. Bah, c'est bien. Comment allez-vous vous habiller le 31 décembre? Ça, c'est une bonne question quand même. 78% seront sur le, à poil dans la rue. Ça, ça m'étonnerait parce que vu le temps qu'il fait, ça m'étonnerait. Ouais, c'est pas sûr avec l'alcool. 12% seront en costume à fleurs. Ça, c'est possible. Et 3% des gens se déguisent en connards, c'est-à-dire tongs, shorts, moustaches et kystes. Ça, ah, c'est vrai, c'est faux, t'as plus de kystes. À la poubelle. Donc, on va continuer, tant qu'on y est dans les sondages, en attendant qu'on aille les auditeurs. Alors, quelle bonne résolution allez-vous prendre pour l'an 2000? Alors, 51% des gens ont répondu. Ils s'arrêteraient de sodomiser. De me sodomiser à sec alors que c'est faux. 29% des gens ont répondu qu'ils allaient arrêter de fumer dans mon du cul. Bon, ça je vois pas le rapport. 5% des gens ont répondu qu'ils allaient offrir quoi? Du slim fast, je pense. Ouais, bon, bref. Ça non plus. D'après vous, combien coûte un repas pour le nouvel an? Alors, 51% des gens pensent que ça coûte vraiment pas cher. Attends. 51% des gens pensent que ça coûte vraiment pas grand chose de nos jours, alors que si. Ah, ça dépend ce que tu bouffes. 24% des gens pensent que ça coûte le RMI, ça c'est vrai, surtout les prix qu'il y a à l'heure actuelle. Et 10% des gens pensent que s'ils invitent ma femme, il faudra beaucoup de. Désodorisant pour les chiottes. Alors ça, pas de poubelle. Voilà. Alors on va accueillir... Bon, les auditeurs, Gérard. Alors vas-y. On va accueillir Albator, bonsoir. Bonsoir, Gérard. Gland 2000. Oui, bonsoir, Gérard. Casimir. Bonsoir. Soupline. Bonsoir. Soupline. Bonsoir. Tu retires tes mains de tes narines, s'il te plaît? Non, mais je suis enrhumé. Ouais, c'est l'hiver, Gérard, ça arrive. C'est ça. Vas-y. Ceux qui s'amusent à soudre de ma gueule vont vite dire, mais... C'est vrai que c'est marrant, mais faut arrêter. C'est trop, trop bien. Ouais, Soupline, d'accord? Très bien. D'accord, Soupline. Je pense qu'avec toi, on va aller loin, hein? Bah justement, tu vas répondre à la question. Voilà. Pourquoi ça tombe le 31 décembre? Ouais, bah Soupline. Ouais, bon, alors ça tombe le 31 décembre parce que on est en quoi là? En brumaire, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors en fait, c'était à cause de en fait pendant Thermidor, ils faisaient les vendanges. Mm-hmm. Et en brumaire, il y avait 31 mois. Ah, mais ça aurait pu être Ventôse aussi. Mais c'est une règle de 3, c'est tout, là. Ah ouais. Bon, Soupline, oui. Ah, mais là, tu retires ta main de tes narines, s'il te plaît, pour la deuxième fois. Il est enrhumé, Gérard, c'est pas non, non, non, non, non, non, non, non, non, non. C'est la mort, t'en as jamais eu. Non, non, mais attends, faut pas soudre de ma gueule, là. Non, mais t'as Soupline, tu retires tes doigts de ce nez, parce que moi aussi, je peux le faire comme ça, moi, je suis enrhumé, d'accord. Ok, alors, on devait entendre, salut, Soupline. Allez, hop, tu dégages et on accueille Cajoline. Classe. De toute façon, c'est bien connu, Gérard, il aime pas la lessive. Bonsoir, Cajoline. Salut. En plus. Cajoline. Il est allergique. Cajoline. C'est Cajoline. Bon alors. Fildar. Ah, c'est pas Fildar. Hein. Moi j'ai regardé, c'est Noémie là. Bon alors Noémie. On enchaîne sur la question là. Non. La question. La question. Non. La question n'est pas là. C'est que je vais. N'est pas là. Maintenant. Si quelqu'un pouvait aller chercher la question qui est pas là. Mais vite fait. La question pour l'instant, c'est pas toi qui la pose, c'est moi, d'accord? C'est pas toi qui commande. Toi, t'es à l'aria. Okay. T'es là pour mettre des disques, ok? D'accord, mon canard. Vas-y, mais Noémie. Alors, Noémie. Oui, j'assume mon erreur, Gérard. Donc, Soupline et Cajoline, c'est pas la peine de faire changer de nom. C'était les Bogdanov, je suis sûr. Voilà. Oh, ok, très bien. On accueille Monsieur Propre. Pourquoi pas Monsieur Sial aussi? Tu te fous de ma gueule? Ok, l'humour. Il s'éclaire. D'accord. Casimir. Ouais. Non, mais Cajoline, c'est bon. Casimir, c'est non, pas non. Cajoline. Ah, ok. Cajoline. Casimir. Cajoline, on lui dit au revoir, on prend quelqu'un d'autre. Et on accueille Minimir. Non, il n'y a pas de Minimir. Il y a Minimi. Casimir. Oui, bah alors, en fait, il y a un truc très simple dans la vie, ça s'appelle un calendrier, c'est pas pratique, et là, tu verras que le 31 décembre, bah, ça tombe, parce que c'est comme ça. Alors, attendez 5 minutes. Ouais, 5 minutes. Fildar. Ah bah, attends, on attend. Attendez 5 minutes, s'il vous plaît, les auditeurs. Fildar, tu n'es pas chef du standard, tu es en vacances, tu n'as pas à dire à Noémie ce qu'elle doit faire. Ok. Tu n'as pas à dire à Noémie ce qu'elle doit faire. Elle est assez grande de s'en occuper. Donc, toi, tu t'occupes des auditeurs, mais tu ne demandes pas à Noémie ce qu'elle doit faire. Ce n'est pas tes débats, c'est les miens. Et toi, normalement, tu ne dois pas être là, tu dois être chez toi à 3. Ok? Alors, on demande entendeur, salut. Donc, Casimir. Ouais, Casimir. Donc, excuse-moi de t'avoir coupé. Ouais, donc, alors. Bon, donc, je disais que, y a un truc très simple, c'est le calendrier. Là, tu verras que le 31 décembre, bah, ça tombe parce que bah, voilà, c'est comme ça, c'est marqué sur le calendrier, quoi. Bah ouais, mais le problème, c'est ce que je me pose, mais pourquoi toujours le 31 décembre? Bah, parce que c'est comme ça. Parce qu'il y en a qui disent le 13 tombe à telle date, pourquoi le 31 décembre tomberait toujours le 31? Pourquoi pas le 1er janvier, par exemple? Là, ça tombe un vendredi. Ouais, mais dans ce cas-là... Non, un samedi, le 1er. Le réveillon se fait un vendredi. Ouais. Mais moi ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi qu'ils ne font pas en milieu de semaine pour que les gens qui travaillent aillent plus de temps pour être en famille. Ouais, par exemple, il pourrait le mettre un mercredi, comme ça fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Bah, pour ceux qui travaillent. Ouais, pour ceux qui travaillent, ça serait mieux. Ouais. Ils auraient plus de temps, plus Noël. Donc, bah oui, mais c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Ça, c'est des magouilles, hein, comme d'hab. Faudrait que t'appelles l'Elysée puis que tu le demandes carrément, quoi. Ouais, mais ça, c'est pas à moi d'appeler l'Elysée. Il y en a qui sont. Mais Gégé, tu sais pourquoi tu te poses la question? Mais Gérard, tu te poses trop de questions. On se pose pas une question de savoir si la Terre est ronde ou elle est plate et de savoir si toi t'es con ou intelligent. Dans ce cas-là, on n'en finit plus. C'est qui vient de dire ça? Ça, c'est vite répondu quand même. C'est Albator? Ah non, du tout, non. C'est Casimir? Non plus, non. C'est pas moi non plus, hein. T'es sûr? Ouais, c'est peut-être. Gland 2000, alors, toi? Ouais. Allez, hop! Non, moi la réponse, merde, c'était quoi la question? Le 31 décembre. Encore. Ah oui, bah oui, bah je sais pas non plus, c'est parce que, je sais pas, le 22 mars c'était pas libre. Je sais pas, franchement, le 31 décembre, c'est comme ça, en plus ça tombe un samedi soir, donc ça perturbe pas l'habitude des gens qui, comme des glands, c'est tout vendredi, ils vont qui, samedi, recommencer le dimanche, quoi. Gérard, qui? Oh! Oh! Oh! Ouais, on lui dit au revoir! Quoi, là? impossible, ça. Merde! Qu'est-ce qui se passe? Je te préviens, il reste plus que 8 minutes. On arrête à 1h30. Oula, oula. Ouais, ouais, bah alors enchaîne. On arrête à 1h30, hein, je vous préviens. Donc, Glan 2000, t'as répondu? Oui, Gérard, mais t'as dû vachement écouter. Hein. Non, mais c'est bon. Albator. Bah écoute, moi je vais te dire, ça tombe un vendredi, parce qu'en fait, comme ça, les mecs, ils vont remplir les restaurants. Regarde, si ça tombe en milieu de semaine, tu remplirais pas pareil les restaurants, les boîtes de nuit et tout. Donc, ouais, c'est encore une affaire de fric. Ouais, bah oui. Forcément, GG, c'est obligé. C'est encore une histoire de thunes. C'est les patrons de discothèques, là, tout ça, c'est des mafieux, ils arrangent le coup. Non. Attendez, parce que Max, il va faire une soirée, là, il part. Tu crois qu'il y aura autant de monde si la soirée de Max, elle était un mardi, par exemple? De toute manière, ça serait tombé un jeudi, il aurait eu autant de monde qu'en week-end. Je suis pas sûr. T'en es sûr? Non. Eh ben, dans ce cas-là, Max, dimanche soir, il est là, normalement, je pense, hein, Manu. Pardon. Je crois que Max, dimanche soir, il fait 22h minuit. Donc, il vous dira exactement le nombre de personnes qu'il a eu pour les deux jours qu'il fait. D'accord? Ok. Mais il y aura quand même eu moins de monde à mardi, quand même. On sait pas, on verra. Ah, je pense. Gérard, oui. Sur IRC, où on n'arrête pas de monter, on est déjà 9043. Ce qui est assez impressionnant. Donc, mis à part le fan club de Noémie, on va essayer de trouver des questions. Non. Ah bah non, bah tant pis. Celui qui dit non, c'est pas lui qui commande, c'est moi, donc oui. Donc, je vous donne des questions. Donc, il y a Destroy2000 qui voulait savoir combien de millénium. Non. Manu, s'il te plaît, tu arrêtes avec... Ma question, Oui, je la prends. Donc, Destroy2000 qui voulait savoir combien de millénium il y avait entre 2000 et 2001. Combien de millénium? Bah, il y en a 100. Bah, c'est simple, entre 2000 et 2001. Il y en a 100. Il y en a 100. Il y en aura 100. Alors, pourquoi que le millénium est-il fêté qu'en France et pourquoi pas ailleurs? Gérard, si tu le veux bien, on peut accueillir Nigor et Grisha. Les deux frères jumeaux. Encore ? Ah ouais ? Eh oui. Hey. Bonsoir ! Oui, bonsoir. Ah, bonsoir. Salut. Bon, bonsoir. Tu as demandé quelque chose ? Tu te rappelles de moi, Gérard ? C'est Nigor. Tu m'as fait pleurer tout à l'heure. Salut les serveurs. Ouais, les frères. Bonsoir, c'est Grisha. Bonsoir, non, mais... Bon, alors, allez-y. Tu es bien coiffé, Grisha. Ouais, vous avez des belles moumoutes, les mecs. Hein. Oui, toi aussi, Igor. Oui. Alors, allez-y, quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la question ? Gérard, tu les écoutes ? Dis-le, ils t'écoutent. Ouais, ben je vous écoute. Ah, écoute, non, Gérard. Alors, pourquoi que le millénium est-il fêté qu'en France et pourquoi pas ailleurs, c'est-à-dire à l'étranger? Bon, ben, Gérard, c'est Nigor qui te parle. Est-ce qu'on peut considérer que les autres planètes du système solaire font partie de cet ailleurs dont tu parles? Ben, oui. Absolument. Ah. Et je crois que c'est Grisha qui va donner la réponse. Exactement, parce qu'un jour, on peut envisager que l'ensemble des systèmes solaires, et c'est pas Nigor qui me contredira, va s'étendre tellement, tel un vase en expansion, que ça ne fera plus qu'un, n'est-ce pas Nigor? Tout à fait Grisha, mais je crois que tu prends le problème à l'envers. En fait, il s'agit simplement de savoir si à travers une nébuleuse qui apparaît dans chaque système solaire lors du solstice d'été, et non pas celui de printemps, comme tu viens de le préciser, il faut justement... Ouais, c'est peut-être lourd... Non, mais là... Si vous ne voulez pas intellectualiser le débat, écoutez, nous avons d'autres choses à faire. Nous avons un gala qui est prévu dans quelques minutes maintenant. Nous sommes déjà bien en retard. Alors, allez à votre gala. Sur la science, ça ne ferait pas de mal. Allez à votre gala. Au revoir, les frères. Parlons donc du système solaire. Non, mais ça y est. Au revoir. Un problème très important. Au revoir. Qu'est-ce qu'un trou noir? Au revoir. Un trou noir, effectivement, comme tu l'as très bien précisé, Nigor, c'est que lors du solstice d'été, ce trou noir va devenir infiniment petit. Absolument. On leur dit au revoir. Qui rend la chose impossible. Absolument. L'antimatière, c'est un peu ce qui compose... Essaye de voir sur quelle ligne ils sont, là, on leur dit au revoir. Moi, j'ai pas un touche au standard. Mais tu vois sur quelle ligne, là-haut? Sur ma gueule! et qui ne supporte plus aucune matière en plus. Bon, tu m'autorises, hé Gérard, tu m'autorises à regarder. Allez, gère ça là. Allez, fils d'art. Allez, yeah, man. Ouais, beau gosse. Yeah, man. La classe. Tu vas me dire merci, wow. Ça y est, c'est tu géré. Cartonnes. C'est fini les dossiers de l'écran, là. Ah. Alors, qui c'est qui nous. Et ton micro, c'est pour les chiens. Ah. Pardon. Qui c'est qui nous reste, alors Gland 2000 et Albator. Bah, bien sûr. Oui, oui toujours là. Ouais, mais il nous reste plus que deux personnes pour. Faut savoir, je te remets les jumeaux, moi. Non. Tu leur, c'est bon, on leur a dit au revoir, parce que là. Bonne nuit. Donc, on peut essayer de revoir du monde ou pas? Eh bien, oui, je vais essayer, monsieur. En attendant, Gérard, sur l'IRC, il y a Paranoïde qui te demande si des milléniums, si ça se mange ou si ça se boit. Non. Ça se mange pas, ça se boit pas et ça se fume pas. C'est masculin ou féminin, c'est une femme ou un homme? Je sais pas. Millénium. Non, on dit un monsieur millénium. Non. Donc c'est un, monsieur millénium. Un millénium. Et on dit un millénaire. Et une artère. Oui, très bien. Très bien, alors, Thora. Bah, tiens, justement, Gland 2000. Gland 2000. Oui, Gérard. Bah, justement, pourquoi que le millénium est-il fêté qu'en France et pourquoi pas ailleurs? Ah, mais Gérard, je pense que tu as la télé là où tu habites. Et si tu avais vu la télé, tu verrais que sur toute la Terre, on prépare le millénium avec impatience. Ouais, non, mais la question, c'est pourquoi que en France, mais pas ailleurs, c'est-à-dire pourquoi ailleurs. Que. À Bourges ou à Poitiers? Non, mais attends, Bourges et Poitiers, c'est où? Bah, c'est en France. Bon, bah alors, je te parle d'autres pays. Ah non, mais je te dis, Gérard, aux États-Unis, prépare. Attends, 5 minutes, oui. Gérard, Booba vient de nous rejoindre. Oh, c'est Mimi, Booba. Booba. Booba, bonsoir. Oh bonsoir, c'est Booba, vous allez bien? Pas du oh merde, ah, ça te va bien. Bonsoir. Tu m'étonnes. Mais c'est. On n'a pas d'autres personnes là? Quasiment. On a que 3 personnes pour finir le débat? Ouais, bah oui. Bah ouais, bah ouais. C'est pas grave, vas-y. Très bien. Bon, ben, je pense qu'on. Je pense qu'on va arrêter. Je pense qu'on va arrêter à la 13e après. Okay. Je pense qu'on. T'as quand même une petite question tu de. Trop, Gérard, hein. Ouais, c'est clair. Alors, attends, une petite question de Kérosène, quand même. Qui voulait savoir pour le nouvel an si tu préférais fourrer la dinde, bouffer le foie ou lécher les moules. Oh putain, les trois. Non, là, je réponds pas sur des questions dégueulasses. Alors là, ça va plus vite. Moi, ça parle de bouffe. Tout ça, ce qu'il vient de dire, c'est les bonnes grosses bûches dans le. Oui, qui? Bip. Qui c'est qui vient de dire ça? Je sais pas. C'était pas Winnie l'ourson? Boomba? Oui? Tu peux répéter ce que tu viens de dire? J'ai rien dit du tout, moi. Ouais, si, je pense que tu m'as dit des grosses bonnes bûches. Des grosses bonnes bûches, bah, tout à fait. Bon, la bûche. Oui, et ben, alors, et ben, Boomba? Bah, pour Boomba? Congélateur? Eh, Boomba? Boomba? Oui. Boomba? Boomba, oui. Boomba? Eh ben. Bimbo, bimbo. Ouais, ben, dans Boomba, il y a de la joie, ben, tu vas aller voir Oasis. Au revoir. Du mal, hein, la vanne. Oh, l'état de la vanne. Au revoir. On dit au revoir à Boomba. Ouais, et on garde Boomba. Ben, il nous reste Albator. Alors, Albator. Pour finir avec cette question, parce que apparemment vous avez pas l'air de vouloir y répondre. Non, si, moi je pense que le millénium. Gland 2000, s'il te plaît, t'arrêtes de chanter parce que sinon je te dis au revoir. Dis-moi, c'est un réflexe. Ouais, ben alors c'est un réflexe, et ben moi le réflexe, je te dis au revoir. Non, mais Gérard, c'est bon. Au revoir. Mais tu vires tout le monde là. Allez hop. Mais je le ferai. Allez plus. Hop. Allez hop. Vous essayez de me trouver des personnes. Balance Michel Chevalet. Bien sûr. À l'heure actuelle, on est 16 millions pile d'auditeurs qui nous écoutent. Hein. 16 millions, bravo. Et sur l'Internet. Bravo le buto. Alors sur l'Internet, on n'est toujours pas 10 000. Mais vas-y, répète, excuse-moi. Moi, de l'autre côté, on est 16 millions. Non, c'était l'auditeur, mais c'est pas grave. Non, c'est bon, on l'a entendu. Ah, ok, c'est cool. Donc voilà, on n'approche pas les 10 000, pourtant on y est presque, et ça va trop vite pour que je puisse te lire quoi que ce soit. Bah non, mais moi je veux savoir à peu près combien qu'on est. C'est parce que si on n'est pas. Non, mais si on n'est pas 10 000, de toute manière, je vais laisser poireauter la 10e. Tant qu'on sera pas 10 000 sur l'Internet, je continuerai pas. On est 9 856, il en manque pas beaucoup. Ah non, ben. Je laisserai toujours la 10e question en attente, tant que. C'est quoi la 10e question? La 10e question, c'est pourquoi que le millénium est-il pété qu'en France et pourquoi pas ailleurs? Donc, alors, tant qu'on sera pas 10 000 sur l'Internet, je ne continuerai pas. Vas-y, je veux 10 000 personnes sur l'antenne. Sur l'internet, pardon. Faut faire jouer une grosse, là, ça va vous. Non, toi, le batteur, on va te faire jouer une grosse dans... derrière, toi. Ah, vu comment ça défile, on doit les avoir dépassés, Gérard. Non, mais moi, je veux 10 000. Je veux 10 000. Voilà. Je veux 10 000 personnes. Voilà. Je veux 10 000. Je veux 10 000, c'est la dernière. C'est la dernière de la saison. On y est, là, Gérard, c'est bon, t'as gagné. C'est la dernière. T'as gagné, on y est, là. On est 10 000. Ouais, je remercie tout le monde. Voilà, alors. Bon, alors, qui c'est qu'on a maintenant? Nous avons Eglantine, Gérard. Alors, alors on a qui? Albator, toujours? Ouais. Albator, Eglantine. Albator, Eglantine. Ouais, et pour le moment, c'est tout. C'est tout? Bah ouais, hein, t'as viré tout le monde. Vous vous foutez de ma gueule, là, au standard? C'est pas grave, on va les accueillir. Bonsoir, Eglantine. Bonsoir, Eglantine. Ouais, salut, c'est Eglantine. Salut. Je m'appelle parce que j'ai reconnu Kenny William, Ricky Martin. Oula. Au revoir, Eglantine. De toute façon, c'était pas les bons. Hein. Non, mais non. C'était pas les bons. Hein. C'était un début de mix suprême. Ouais, mais c'était pas les bons. Ouais, mais c'est bon, allez, hop, au revoir. Fildar, 300 000 francs de ta poche pour Eglantine. Mais non, c'était pas les bons titres. 300 000 francs de ta poche. Mais il les a. Bon, bah c'est simple. Il y a Uterine aussi, Uterine qui vient d'arriver, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir Gérard. Non, mais c'est Pildar qui paye de sa poche. Il y a Tchuk Loïs qui voulait pas. Continuez, de toute manière c'est simple, il est 1h34. C'est Jean-Claude Van Derme. Ouais. Alors Gérard, vas-y. On t'écoute. On t'écoute, Jean-Claude Van Derme, là. Jean-Claude. Allez Jean-Claude. Wow. Oui bon, c'est quoi la question? Enfin, c'est quoi ces... Non mais attends, mais oh. Et vous pouvez pas lui dire au standard là? Non mais pose ta question là. Alors pourquoi que le millénium est-il pété qu'en France et pas ailleurs et c'est terminé, c'est la dernière? Ouais mais... Alors vas-y Bruce Lee, vas-y. Vas-y, le millénium il est non, pété. Non, attends, je t'arrête tout de suite, le millénium s'il te plaît. Oh, Alba... Non, je vais parler comme toi. Ok. Tranquille, le millénium. Allez, hop, bonne nuit à tous. Non, bonne nuit. Sérieux, là, allez, j'ai là. T'as mis ta femme ou quoi là? Bonne nuit à tous. Bonne nuit à tous. Il n'y aura pas de conclusion comme on n'a pas d'auditeur, c'est dommage. Mais si, il y a plein de conclusions possibles. Donc, conclusion sur l'internet. Alors, conclusion sur l'internet. On va remonter la conclusion de ce cher fesse de babouin qui dit que, bon, visiblement, en t'y prenant un an à l'avance, on voit que tu as toujours voulu soigner un débat. Rien à faire, c'est une nouvelle fois bâclé, tu nous as encore sorti une grosse merde, ton débat sur le troisième millénaire, il avait un arrière-goût tout périmé de premier millénaire. Eh ben c'est bien, après. Conclusion, l'an 2000 sera l'année Noémie, je te kiffe, signé Mouli Baf sur Noémie. Si elle pouvait répondre... Voilà, il y a Maclaude qui a préféré le débat de la semaine dernière. Eh ben c'est bien, si bien alors... Ouais, c'est tout. Et je sais plus qui on doit passer en dernier, vas-y, je t'écoute. Non, mais... Non mais nous il y a encore deux auditeurs qui devraient faire leur conclusion. Il y a Albator et Uterine quand même, ils viennent non, d'arriver. Non, attends. Mais c'est deux habituels donc c'est mais pas. Mais non, c'est pas deux habituels. Vas-y, vas-y Albator. Vas-y. Ouais. Tu m'entends? Ouais, mais c'est bon, vas-y conclusion. Ouais, vas-y. Moi, je voulais te souhaiter plein de bonheur quand même pour le nouveau millénium. Pour que ça commence bien, j'ai entendu tout à l'heure des bonnes nouvelles qui m'ont bien fait plaisir. Et ben comme quand vous aviez tenté l'année dernière, hein, s'il y a un show qui est viable sur la portée, tu peux me le garder, quoi. C'est ça, ça arrive là. Hein. Ça arrive là, c'est bon. Je crois que tu iras te faire voir parce que ce sera pas toi. Un petit Pékinois là. Ouais, ben ça sera pas pour toi. Non, mais attends, faut déjà qu'il soit viable, hein, les chiots quand même. Ouais, non, mais tu pourras te mettre un doigt bien profond que je pense. Ouais, la gueule de ta femme, c'est pas gagné. Hein. Voilà. Donc, qui c'est qu'on a? Uterine. Et Uterine, pour finir? Oui, pour finir, Gérard, j'aimerais ne pas te souhaiter une bonne année parce que je te déteste toujours autant et puis je kiffe mes potes. Bisous. Eh ben c'est bien, ben moi je te souhaite pas de bonne année, mais moi je t'emmerde. Oui, moi aussi je t'emmerde. Et donc voilà, en de bon entendeur, voilà. Salut. Et je crois qu'on a Guillaume aussi. Guillaume, t'appelles pourquoi? Allô, c'est Guillaume. Oui. Ouais, j'ai gagné le mix parfait. C'est quoi l'idée? Ah, mais c'est bon. C'est Britney Spears. Ouais. C'est Lucretia McNeil. Ouais. Ouais. Buck. Ouais. Radiohead. T'as gagné le droit de toute ta paye. Je suis pas là, moi. Guillaume, tu laisses ton adresse à Noémie. C'est Pildar qui va t'envoyer le chèque. Ouais, ce que tu oublies simplement par rapport au CSA, c'est que ça s'est passé pendant l'émission du débat. Et que ça va être toi le responsable, mon pote. Et non, mais manque de poids, c'est Pildar, c'est lui qui l'a annoncé. C'est qui le responsable? Hop. Merci Sarah. Donc, Fulbert, t'as un gros PD. Je vais mettre en brique. Non, parce que le problème, attendez, parce que là on rigole, mais le problème c'est que c'est Gérard qui gère ces débats, et c'est le reste, tu dis toujours c'est le chef. Mais vis-à-vis du CSA et de Fun, c'est toi qui vas payer à cause de. Et peut-être que j'aurai des problèmes à cause de eh toi. Ben, tu les enchaînes, les techniques. Tu me les rembourseras, tu te démerdes, tu paieras jusqu'au bout de ta vie, ta voiture, je la veux. Alors, on devait en entendre Fulbert, salut. Donc, c'est quoi tes impressions, Guillaume, quand même? Ah, bah, je suis franchement. Content, merci Gérard, hein, pour les 300 000 balles, quand même. Tu vas en faire quoi? Rien du tout, ah lui dis bonne nuit. Et c'est tout, Fulbert, tu paieras de ta poche. Ah bah si, parce que c'est toi qui l'as annoncé à longtemps. Non, mais t'es en vacances, mais t'es là, il manque de peau. T'es baissé parce que toi, t'as un jour de moins sur tes vacances. Et là, ta paye, elle est bonne pour Guillaume. Donc, conclusion du débat. Ça a été de la merde, comme d'habitude. Donc, on a voulu me faire plaisir, on a fait venir un connard. On a fait venir Fulbert qui était con comme ses pieds. Non. Il n'y a pas de non, mais de toute manière, c'est pas la peine de t'amuser, Manu, à mettre des jingles. Normalement, c'était prévu qu'on fasse une fin d'année correcte, et à mon avis, ça s'est mal terminé. Donc, sur l'IRC, on termine à combien? Alors, on termine à 10 008, quand même, on a 5 personnes de plus. Et il y a la plupart de l'IRC qui ne te souhaitent pas une bonne année. Eh ben c'est bien, ben, moi je leur souhaite ça, pas. Ça, c'est dégueulasse. Moi je leur souhaite pas de bonne année à eux non plus. Donc moi je vous souhaite à tous, à Noémie, à Manu, Max, Fulbert, Rigaud. Ah non, surtout pas Perfora, pas de bonne année. Donc Manu, Fulbert et toute la bande, pour l'année 2000, je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Max, je te souhaite tous mes meilleurs vœux de bonheur pour toi et toi, ta copine. Avec Sandy, avec qui tu vas avoir un enfant. Et moi je te souhaite de réussir demain. Demain pour tes deux soirées qu'on a déjà fait nous à l'Écho du Lac. Olivier de la Pro, je te souhaite une bonne année malgré que tu m'as fait des petites vacheries durant l'année 99. Ouais. Mais sinon, moi, Max, ce que j'ai à te souhaiter de la part de Sandy, si on pouvait nous appeler Sandy, s'il te plaît, Noémie. Le standard est booké, hein. Ta gueule, toi, c'est pas toi qui commande, toi tu dégages des studios. Non, mais malheureusement, il faut rendre l'antenne, on avait dit une heure et demie. Donc, si on l'a pas. Ou pas, attends. Je t'ai rendu son numéro, Gérard. Mais je te l'ai redonné. C'est bon, elle est là. Sandy? Allô? Non, c'est pas Sandy. Si, c'est Sandy. Non, Sandy, ça va? Allô, bébé, on va avoir un enfant. Ouais, c'est ça. Alors, allez, c'est pas elle, au revoir. J'aime ton sperme. Ouais, c'est ça, au revoir. Allez, hop, bonne nuit. Donc, de la part de Sandy. Non, elle est là. Non. Je me touche et toi, du plus. Attends. Bienvenue sur l'horoscope de Prodige. Interrogez les astres, appuyez sur. Non, allez, hop. Non, les astres et les lumières, c'est pas hop, ça. Hop, donc. On va essayer. Hein. Ah, on va tenter. Hein. Non. En tout cas, moi, je vous remercie pour le cadeau de Noël, le paquet de clopes, c'était cool. Oui, moi aussi, Gérard, je te remercie. C'est bon. Sympa. Le numéro que vous avez demandé ne correspond à aucun service répertorié. C'est ça. Et toi, Fulbert, tu vas la voir. Non, tu connais pas le numéro, alors laisse tomber. Mais si, il le connaît. Non, il l'a pas. Bah si, il l'a déjà noté sur son portable. Ah oh ben, qui s'amuse. Non, qui s'amuse. Qui s'amuse à jouer. Moi, ce que je voulais dire, en tous les cas, c'est qu'on a pris beaucoup de plaisir à te retrouver. Que voilà, donc pour le moment ça va se passer comme ça. Alors beaucoup d'auditeurs, j'imagine, demain à l'Écho du Lac, vont me demander quand est-ce que Gérard va revenir, Donc normalement il est prévu, bien que Gérard n'est pas non plus au courant, il va l'apprendre en direct. On va essayer de te faire revenir au moins une fois par mois. Mais ça sera comme ça un débat événementiel où on fera deux débats d'une heure comme à la bonne époque. Moi, voilà. De manière, c'est pas moi qui décide, c'est toi. De toute manière, il y a que toi qui décide. Donc moi, ce que je peux te souhaiter, c'est une bonne année. Tu me l'as déjà dit. Une bonne année. Soirée, oui, à tes parents, s'ils nous écoutent. Ça m'étonnerait que mes parents écoutent à cette heure-ci. Mais je leur souhaite quand même. Quelle heure téléphonique sur la radio? Pour l'imposture du jour, restez à l'écoute. Non, c'est la fesse. Merci. C'est la fesse. Donc, je souhaite une bonne année à tes parents, Max, s'ils nous écoutent encore, mais de toute manière, tu leur souhaiteras par la petite carte que je vais te remettre. Donc, sinon, ce que j'avais à vous dire, restez fun. Restez bien sur l'écoute de fun. Là, vous allez. Qui c'est qu'il y a ce soir Minou, à nouveau. Minou. Donc restez bien Minou à pour la nuit sans. C'est Minou, c'est un nouveau. Minou pour la nuit sans pub et demain matin c'est Bob avec le mix suprême je crois, puis la fameuse nouvelle Volkswagen a gagné. Oui. Et demain soir j'ai entendu dire que entre minuit et 2 heures du matin il y aura plein de choses avant. Oui, il y aura plein de choses, mais ça, je n'ai pas tout sous les yeux. Malheureusement, Fidan n'a pas fait son programme, ni Manu. Manu non plus. Je sais que dans DJ Fun, ils vont appeler toutes les villes dans des pays qui sont déjà passés en l'an 2000, en fait. Non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que... C'est quoi tu voulais ? Demain soir, entre minuit et 2h, vous allez avoir un best-of, un remix, même pas un remix. Tu sais pas. Un mix de Max en direct de l'écho du lac. Et donc c'est un mix de 2 heures que j'ai préparé house avec à l'intérieur quasiment les tubes qui ont marqué l'année 99. Pas tous, mais il y en a des plus vieux, des moins vieux. Mais enfin, j'ai 2 heures de mix. Donc en direct sur Fun Radio. Enregistré, faut dire la vérité, parce que je peux pas être ici à minuit, à l'écho du lac à minuit. Donc c'est enregistré, mais j'ouvrirai effectivement le nouveau millénium sur Fun à minuit. Donc bonne année à tous et ben j'espère vous retrouver très vite. Oh, ben lundi soir je pense ou même dimanche si tu veux. Même dimanche soir si tu veux m'appeler pour. Dimanche soir c'est éclectique hein, maintenant. Hein, ça ouais mais si tu veux m'appeler pour. Une chose est sûre c'est qu'on tiendra les auditeurs et auditrices au courant du retour de Gérard au mois de janvier et le thème du débat etc etc. Voilà donc bonne année à tous et à lundi soir. Un petit remix pour se quitter. Et on se quitte avec le clochard du jour de l'an, avec Sonne les 12 coups de minuit. Dans mes fesses, bonne nuit à tous.